Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour à tous, bienvenue sur Démocratie Participative, saison 1, épisode numéro 24, en collaboration avec TRS, The Right Stuff, donc nos amis de l'alt-right américaine, que vous pouvez visiter d'ailleurs hein, sur leur site therightstuff.biz. Alors, je rappelle tout de suite, avant de commencer l'émission, que vous pouvez nous contacter sur notre messagerie email, Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru, je répète, démocratie participative, pas d'accent sur démocratie, le tout en un seul mot, @mail.ru. Suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube, c'est là où on publie évidemment les émissions. Abonnez-vous à la chaîne, vous cliquez juste en dessous de la vidéo pour vous abonner, comme ça vous recevez des alertes à chaque fois qu'une nouvelle émission est parue. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, idem, on publie les émissions, et sur SoundCloud, hein, qui est une plateforme audio, et vous recevez également les alertes si vous êtes abonné à SoundCloud. Bref, on est présent partout. Alors, sans transition aucune, je présente nos membres qui participent aujourd'hui, des vétérans s'il en est, à commencer par Derek. Salut Derek, ça gaze ? Ça gaze, et ça aimerait gazer... Je sais pas, certaines catégories de personnes, peut-être. Tu généralises, là, tu fais des amalgames, attention. Je ne sais pas. Frédéric, dans l'évier, toi, tu as un vrai succès d'estime, là, hein, c'est bien. Comment ça va, Fred ? Alors, salut à tous, c'est Frédéric dans l'évier. Alors, moi, comme d'habitude, hein, des calories, elles rentrent, elles sortent, bon, voilà. De la muscu avec des nègres et des bougnoules, hein, comme d'habitude, ouais. Hein, la virilité, la brillance musulmique. Et mais en Hongrie. Sinon tout va bien. Voilà. Mais en Hongrie, hein. Les oui, non, et de loin quand même, parce que bon, c'est vrai que de trop près, ça peut être un petit peu gênant. Mais voilà, en se mettant un petit peu à distance, quand même, ça va mieux. On est plus sympathique, plus ouvert, plus tolérant. C'est plus pratique. C'est plus confort. C'est ça. Des calories, quoi. Alors Astérix, puisque tu prends la parole, salut Astérix, ça gaze ? Bah écoute, ça gaze jamais assez, mais ça gaze quand même. De là, toutes les gargouilles disparaissent, quoi. Ça continue, t'sais, en ouais. France, c'est maintenant Hollande, enfin bref. Ouais, on continue à être dans les nuages. C'est bien. Et Alexis, salut Alex. Bonsoir, salut. Très posé, c'est le philosophe de l'émission, on va dire ça comme ça. Je prends comme un compliment. C'est notre voilà, Bernard-Henri Lévy à nous. Ah oui. Ah bah, ça me va droit au cœur. Goy, le BHL Goy. Et Magdav, salut Magdav. Salut à tous, chers amis. C'est notre caution socialiste de notre émission nationale socialiste, on n'a qu'à présenter ça comme ça. Tout à fait, je suis très à gauche. Très à gauche. Il est de la branche nationale, en fait, du socialisme. Effectivement, voilà. je suis un prolo, et je me définis comme tel, même si je suis très à droite. Bon, alors les gars, sans transition aucune, passons au sujet numéro 1, rubrique numéro 1, autisme radical. Nos auditeurs la connaissent et je sais qu'ils l'aiment aussi. Ouais, il attend avec impatience, hein, d'après ce que j'ai remarqué. Ouais. Je pourrais y passer 24 heures à compiler toutes les épisodes d'accès d'autisme que je vois chaque jour. C'est sans fin. Alors je fais un effort de synthèse. Sujet numéro 1. Alors j'ai voulu y venir parce que ça revient tout le temps ce truc. Vous voyez, c'est un marronnier de la presse de gauche. C'est-à-dire de 95% de la presse, quoi. Alors, Dordogne, un jeune Pakistanais, meilleur apprenti de France. Voilà. Alors, en l'espace de 2 ans, Mujahid, donc Mujahid, c'est le guerrier d'Allah, je crois, hein. Mujahid Zaman a appris le français et le métier de peintre, peintre en bâtiment. Hein. Il a décroché la plus belle des récompenses pour les jeunes. Mujahid Zaman, 19 ans, est élève au lycée professionnel de Chardeuil à Coulor, en Dordogne, et c'est l'un des 10 meilleurs apprentis de France de Dordogne, distingué samedi à Périgueux par les meilleurs ouvriers de France, dont le chef cuisinier Philippe Etchebest, en marge du salon du livre gourmand. En 2 ans, le jeune homme a appris à parler le français, comme vous et moi, je présume, et a déjà obtenu son CAP de peinture. Il prépare désormais celui de plaquiste, parti à 16 ans de chez ses parents, agriculteur pour fuir une vie compliquée, je ne sais pas ce que ça veut dire, dans ce pays agité, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Il a mis 6 mois pour faire le parcours, à pied, à la nage, on ne sait pas, avec tous les péripéties possibles. Il s'est retrouvé à Paris, d'où il a été envoyé en Dordogne comme mineur isolé. Donc, Fèdre, il a été pris en charge par le gouvernement socialiste. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de ces fabuleux programmes où tout d'un coup, Pépito tire le numéro de loterie, et puis alors, en 2 ans, c'est bon, c'est le sauveur de la France qui n'avait pas d'ouvriers ni de bons ouvriers en plus. Ils avaient que des tocards. Maintenant, c'est ils ont quoi, du pakistanais. C'est un paquis, il un est paquis, quel ouais. Exactement. Et pakistanais. Ah oh là là, un pakistanais. Ah bah dis donc. Clandé, hein. Clandé, régularisé, formé, maintenant futur plaquiste. Les Portugais peut-être ont réussi à se faire. Bah, ça valait quand même le coup de dépenser beaucoup d'argent public pour faire un ouvrier pakistanais, quoi. Je veux dire, c'est de la haute qualité. Et je suis sûr qu'on a vraiment, on en a vraiment pour notre argent avec ça. C'est, ouais, c'est du bon, quoi. Bah c'est vrai, oui. Le ratio entre les, on va dire, on va admettre que le mec est productif. On va admettre, même si bon, on en rigole, on n'y croit pas du tout. Ça va être quoi, du 1%, du 0,5%, peut-être même du 1 pour 1000. Bon, ouais, ok. C'est bien, ça fait mouiller la. La lesbienne gauchiste qui lit Libération. Magdav. Non, écoute, c'est un vieux marronnier. Parce que quand tu regardes, par exemple, le concours du meilleur boulanger de France, à chaque fois, il nous sélectionne un basanier. Mais en fait, dans les faits, les bons ouvriers dont on manque restent quand même des Européens. Que ce soit dans les métiers de bouche, que ce soit dans les métiers du bâtiment, dans les métiers un peu plus techniques, les très bons ouvriers, et même les meilleurs ouvriers de France, ça reste des blancs. Alors, Astérix voulait parler. Ouais. Il y avait l'American Dream, tu vois, c'est tu arrives, t'es compétent, t'es bon, tu montes, tu grimpes les échelons et tu finis en haut d'une pyramide humaine, tu vois. Enfin d'une pyramide sociale, je veux dire, pas d'une vieille partouze. Mais puis là, t'as le French Dream, c'est t'arrives, tu sais, plus tu sers à rien, plus t'es handicapé, plus on te récompense. De toute façon, on ne récompense plus que les handicapés. Moi là, j'écoute en ce moment, il y a ce phénomène avec le handisport là aussi où on fait que la promotion des handicapés. On est en train de les mettre là maintenant au-dessus des sportifs normaux. Enfin bref, je digresse sur le handisport, mais c'est ce même phénomène puisque c'est du dysgénisme. Enfin le mec, je suis sûr que sa baguette, elle était en S, elle était tout juste bon, tout juste bonne à tremper dans la soupe, tu vois, c'était une vieille baguette à sauce quoi. Normalement, moi des bonnes baguettes, je peux leur faire goûter. Le jury là, s'ils veulent, ils verront ce que c'est quoi. Ça se mange tout seul, ça se mange par gourmandise quoi. La vieille baguette du Paki, je vous garantis que c'était du truc de supermarché à chier quoi. Ouais, je veux juste revenir sur ce qu'a dit très justement Magdav à propos du boulanger de l'Elysée, tu sais, en fait, qui chaque année il t'en prend un différent, un basané. Et une fois, ils avaient pris un noir, vraiment noir, tu vois. C'est le. Je sais pas s'il sortait du désert, etc., mais il est vraiment foncé. Et c'est plus quelques années après, je crois que c'est cette année, il y avait une émission de télé avec François Hollande, tu sais, qui répondait aux Français. Et justement, parmi les Français, il y avait ce type-là, et même le nègre, tu vois, full nègre, arrivait à critiquer François Hollande par rapport aux contraintes qu'il posait sur les entreprises. C'était juste merveilleux, quoi. C'était la même émission où je crois que c'était la même émission où François Hollande avait dit que la mosquée de Brest avec l'autre taré, oui, de Rachid Abou Houdaïfa, que sa mosquée avait été fermée alors que c'était absolument pas le cas. Donc voilà, encore une prouesse de notre cher président de la République. Ouais, Alors là, c'est bien de parler des boulangers, là, des boulangers miracles qui te sortent du Sénégal, qui te sortent du Pakistan, et j'attends avec impatience le Népal et puis je sais pas la Mongolie extérieure, un truc comme ça. C'est que enfin, faut un petit peu être sérieux. C'est-à-dire que quelqu'un connaît un vrai boulanger, sait que quand un boulanger fait vraiment son travail, le type est un artiste. C'est-à-dire qu'il connaît des pains que toi-même dont tu ignores totalement l'existence. Des types de pains que tu retrouves uniquement dans certaines régions, etc., qui sont très difficiles à faire, qui demandent vraiment un savoir-faire. Ça, c'est un vrai boulanger français. Et bon, j'ai eu rencontré des gens à l'étranger qui avaient étudié en France pendant de longues années, mais dont le but n'était pas de rester en France du tout, c'était d'apprendre le savoir-faire. Ensuite, par amour comment dirais-je, du pain et par amour de la gastronomie, qui étaient passionnés par ça, qui faisaient ça chez eux, bah, je peux vous dire, c'est une autre planète. C'est une autre planète. Alors quand je vois effectivement le pauvre négro qui se roule sa baguette sous les aisselles avant de la foutre au four, moi ça me fait marrer, quoi, et c'est de la politique 100%. Alexis. Ouais, moi j'aurais vu notre ami Mouadi Jawan ou quelque chose comme ça du Pakistan comme ingénieur chimiste parce qu'on sait que les Pakistanais sont très forts pour asperger d'acide leurs femmes, je crois, ou à moins que ce soient les Afghans, je ne sais plus. Ah, c'est vrai que c'est particulier comme culture. Ouais, le Pakistan, parce qu'ils disent ouais, il vient d'un pays agité. Non, mais c'est un pays en paix, le Pakistan. C'est ça le truc, parce que là, Ben non, ça. c'est un pays stable puisqu'ils ont la bombe nucléaire. Ah, Mais peut-être. voilà. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Non, mais là, c'est intéressant, parce qu'on voit la narration qu'ils foutent dans les médias en disant oh, regardez, on a trouvé le meilleur ouvrier, oh, le pauvre gars, il a souffert, etc. Machin. Ouais, mais attends, il vient d'un pays en paix, qui est une puissance nucléaire. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas là-bas? Bah rien, ouais. C'est un putain de parasite qui vient squatter chez nous. Le mec, il est pris en charge à 100%, et au bout de 2 ans, tiens, c'est marrant. Alors là, en ce qui concerne lui, c'est pas un boulanger, c'est un, comment dirais-je, c'est un plus ou moins un futur plaquiste. Tiens, c'est marrant, il arrive à poser du placo, quoi. Oh la vache, putain, qui l'aurait cru, quoi. Après deux Et ans, quoi, ça te fait tu es en monter. train de dire qu'un métèque serait parasite? Ça me choque. Ben Je non, sais pas si je mais. peux supporter cette Non, mais allégation. en plus, c'est des trucs qui sont montés en épingle totalement par la grande presse, et on voit qu'il y a ces enculés. Alors là, pour le coup, là, c'est Etché Machin, là, le chef. C'est pas un basque, lui, là? J'ai oublié, lui, là. Etché Machin, là. Bon, j'ai oublié, Alors, bref, il attends, manque le. attends, juste pour préciser, parce qu'il parle des membres du jury, on ne sait pas, enfin, on ne peut pas. Ouais, il est peut-être pas Comme au ça. jus, il est peut-être pas au jus. Non, c'est pas ça, qu'on ne peut pas préjuger du vote qu'a fait ce mec-là. Il faisait partie d'un jury des meilleurs ouvriers de France. Donc c'est un truc collégial, quoi. Ouais, bah enfin, bon, Bon, mais ok. il faut avoir des standards assez exigeants. C'est-à-dire que moi, tu vois, si imaginons, je suis restaurateur d'un certain standing, on me dit, bon, écoute, voilà, est-ce que tu veux pas participer? Je dis, d'accord, ouais. Alors, au fait, par contre, il y a un mec là, il a pas les papiers, etc., il est régularisé. Non, moi, je bosse qu'avec des Français. Ah bon? Putain, c'est étonnant, ça. Bah non. Mais c'est-à-dire qu'il faut pas lâcher les standards, quoi. Je veux dire. Le meilleur ouvrier de France, il doit être français. Enfin, je sais pas si j'ai l'impression de raconter une connerie, mais il faut maintenant, on arrive dans un univers parallèle où rappeler des trucs aussi évidents devient bizarre en soi. Non, je suis désolé, quoi. Et donc, les membres du jury, alors bon, effectivement, je vais pas me lancer dans un procès d'intention, mais enfin, ça m'étonnerait qu'on lui ait pas expliqué le topo, quoi. Non mais bon, Je est-ce sais que pas, hein, lui je sais non mais pas. est-ce que lui s'occupait pas plutôt de la partie cuisine quoi parce que je le vois pas aller juger la qualité de la pose de placo plâtre hein. Bah effectivement, mais peut-être que tu vois, peut-être que les mecs, en fait, il y a plusieurs choses dans le jury. Je pense que tu sais, parce que tu sais, c'est comme un peu, tu sais, t'as la note artistique, t'as plein de trucs qui sont pas uniquement dans la matière que tu fais. Et peut-être que lui, voilà, il va noter, je sais pas, peut-être la détermination, machin. C'est toujours des petits trucs comme ça. Bon, bref, peu importe. Enfin bon, c'est quand même des trucs, voilà. Alors, ah oui, sujet numéro 2. Mohamed fait son entrée dans le calendrier chrétien norvégien. Ça, c'est un projet. Alors là, je cite, hein, un journal norvégien, le NRK. L'almanach norvégien va être enrichi culturellement avec une dizaine de prénoms musulmans. Jusque maintenant, Mohamed, Fatima, Aïcha, Hassan, Omar, Fatima, Ali, Samira, Ahmed, Amina, ils se ressemblent tous ces prénoms en plus, et Yasmine n'avaient pas leur propre jour dans le calendrier chrétien de Norvège. Ça va changer en 2017. La maison d'édition responsable de l'almanach, donc nationale, a longuement réfléchi à la question et a donc décidé d'intégrer 10 prénoms musulmans pour donc intégrer les musulmans dans la société norvégienne. Ils ont expliqué ça en disant qu'il fallait inclure, il fallait une société inclusive pour les minorités qui ont tendance à devenir majoritaires d'ailleurs. Alors, votre réaction à ce calendrier chrétien avec Mohamed qui rentre dans le calendrier chrétien? Quand même le pays de Varwikarnesk, hein, qui est quand même venu se réfugier en France en disant que la Norvège était un pays bolchevique. Hein, c'est vrai. Bon. Et il y a Varwikarnesk, et puis bon, il y en a un autre dont peut-être on taira le nom, mais. Est-ce que la Norvège a. Parce que c'est un de ces pays, est-ce que la Norvège a été colonisatrice ou. Enfin, qu'est-ce qu'a fait la Norvège en fait pour mériter de se farcir des Bounioul, des Yasmina, des Fatima? Enfin, elle est blanche. Expliquer ce qui se passe. Bah oui, ils sont blancs déjà. Donc, c'est vrai. Ils sont blancs et ils sont socialistes. Bon, mais ça, il fallait pas le devenir. Mais Ils sont riches. Richissime, à million. On creuse les montagnes, l'or coule, c'est incroyable. Ah oui, la Norvège, c'est une terre très profonde, alors que par contre, le Congo, ce désert, il n'y a rien dans le sol. Tu creuses, il n'y a rien. C'est que des cailloux volcaniques, terrible. C'est incroyable quand même. Hein. On se demande pourquoi le Congo est pauvre alors que la Norvège est richissime. Ça, c'est un mystère aussi, ça. J'ai vu une vidéo là-dessus, on ne va pas s'égarer là-dessus. Et oui, la Norvège, c'est aussi le pays de notre ami Anders Breivik. Hein, oui, effectivement. T'es sûr que c'est pas le Congo? Je croyais que c'était le Congo. je sais plus. Moi, je confonds à arriver à ce stade. Je sais plus trop. Enfin, en tout cas, Anders Breivik, c'est quand même quelqu'un qui a dit ça va un peu trop loin, toutes ces affaires. Je suis pas content. Sur démocratie participative, étant de bons démocrates, nous n'appelons évidemment pas à la violence contre qui que ce soit, ça va sans dire. Mais enfin bon, Anders a estimé que son pays avait tendance à partir en couille, et c'était bien la Norvège. Hein. Donc déjà, quand même, à l'époque, c'était assez carabiné. C'était il y a 5 ans, c'était en 2011. Hein. Il y a seulement 5 ans ? Ah oui, c'est assez récent. Ouais. Et on a des statistiques sur les populations d'origine Bounioulo, Métèque, Africano, je ne sais quoi, en Norvège, quelqu'un ? Moi, j'en ai pas, mais à vue de pif, je dirais, allez, 15%, tu vois. Moi, j'en ai pas, mais enfin, en tout cas, à côté, t'as la Suède, c'est un désastre, mais ça, on le sait tous. Mais là-bas, par contre, il y a vraiment... Il y a un côté nordique dans le machin, c'est-à-dire que, tu sais, c'est-à-dire qu'une fois que c'est contaminé par l'idéologie antiraciste, c'est avec toute la rigueur germanique. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'en échapper. Tu adhères ou on te détruit. Tu vois. Et en Norvège, c'est comme en Suède, quoi. En France, on a cette idéologie aussi, quoi. Mais comment dire, les gens ont toujours une espèce de distance critique vis-à-vis du pouvoir et vis-à-vis du catéchisme. Il y a toujours un côté un peu rigolard qui fait que, bon, même si c'est très présent, les gens s'en amusent toujours en privé. En France, je trouve que les gens s'en amusent quand même, somme toute, en privé pas mal, pas en public. À mon avis, en Norvège... ça doit être l'air doit être assez étouffant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors juste je suis tombé un petit peu sur quelques statistiques là par rapport à l'immigration en Norvège. Donc bon, si tu vires la partie des immigrations européennes, on a à peu près 7 à 8%, on va dire. Ça c'est officiel, ça. Ouais, ben là-bas ils ont les statistiques ethniques, donc ils peuvent c'est par nationalité, ouais, t'as les Polonais, etc. Donc ils en auraient aussi peu. C'est pas ça, c'est que c'est concentré sur la capitale, enfin sur Oslo. Ah, Donc voilà. là, effectivement, à Oslo, le prénom le plus donné, c'est Mohamed. Ah, Voilà. Non, mais Voilà. c'est vraiment terrible parce que la Norvège, c'est quand même un pays de blancs à très très haut QI. Je crois que la production par habitant, c'est pas loin de 100 000 dollars, ce qui est juste énorme. Et enfin, c'est un paradis en quelque sorte, même si c'est un enfer communiste. Et ils vont changer leur population pour mettre des nègres. Donc ils ont un fonds souverain qui est de l'ordre de 400 milliards de dollars, Ouais. ce qui est juste c'est phénoménal, sachant qu'ils ne Ils sont sont pas que dans 5 l'Union millions. européenne. Non, ils font même pas partie de l'OPEP, ils sont un petit peu à part. Mais enfin, ils sont en train de ruiner leur pays, quoi. Ils ne se rendent pas compte que, parce que c'est des bourgeois en fait, hein. Il y a un esprit très bourgeois, un peu suisse. Et ils ne se rendent pas Ouais. compte qu'ils sont en train de foutre le pays en l'air. Ouais, c'est un pays, ça doit être fascinant comme pays, de par sa géographie d'ailleurs, parce que c'est un pays qui s'étire comme ça dans les mers jusque vers le cercle arctique. Le cercle arctique, autant pour moi. Non, c'est un pays qui a une géographie passionnante. Ils ont eu la chance d'avoir la manne pétrolière aussi, il faut quand même le dire. Le fonds souverain est quand même beaucoup alimenté par ça. Mais c'est un petit pays par sa population, mais c'est un pays qui est effectivement économiquement pas du tout insignifiant. Et il a une relative autonomie dans le monde occidental, quoi, effectivement. Alors par contre, bon, ils ont décidé de rejoindre donc l'idéologie multiculturaliste. Et c'est d'autant plus frappant ce que vous disiez qu'il n'y a pas tellement d'immigrés par rapport au reste de l'Europe. Que eux, ils font des trucs que même en France sont encore impensables. Bon, ça va vite être réformé, on est d'accord. Mais le fait de modifier le calendrier pour trois bougnoules, c'est quand même impressionnant, quoi. Ça Ouais. montre la brutalité de Bah, ils ont l'idéologie. envie, hein, ils ont envie de, voilà, ils ont envie d'être enrichis, on va dire. Bah, c'est vraiment le côté germanique. C'est-à-dire que c'est des gens, une fois qu'ils ont adhéré à un truc, c'est tout le monde à la schlague. Et c'est vraiment frappant parce qu'ils n'ont pas des masses folles comparables à ce qu'il y a en Suède ou comparables à ce qu'il y a en France. Je veux dire, il n'y a rien qui les pousse vraiment enfin, qui pousse leur classe politique socialiste à aller à de. Eux, c'est carrément. Ouais, on y va, quoi. On en veut. C'est ça qu'on veut, quoi. Et c'est impressionnant. J'avais une remarque, moi, sur les calendriers, sur les noms de calendriers, c'est que en France, parfois, on entend dire, ah oui, c'est la fin de l'année, en 2016, on a donné beaucoup le prénom Léonie ou Léo, ce genre de prénom bobo, et ou Charlie récemment aussi. Ah. Mais en fait, si on C'est vrai regarde ça? le, bah non, enfin en tout cas Charlie en janvier 2015, ça avait été dans les heures et les jours suivant l'attentat, il y avait eu une grande majorité des garçons qui s'appelaient Charlie. Bon, les filles, non, heureusement, il y avait une limite à la décence. Oh non, mais Ah gazelle, ben mais ouais, c'était. gazelle, putain. Ouais, mais justement, là, on dit oui, le prénom le plus donné, c'est Léo, c'est Léonie, c'est ce genre de prénom. Bon, mais en fait, si on regarde le. J'avais regardé comme ça vraiment le classement des prénoms. Et ce qui est étonnant, c'est que. Étonnant, non, pas vraiment, mais ce qu'il faudrait remarquer, c'est que dans le prénom, on parlait du prénom Mohamed tout à l'heure, il y a plusieurs orthographes. Ce qui fait que. Oui. Par exemple, en 32e position, ou en 20e position, on aura Mohamed avec Mohmed, mais plus loin, on aura Mohamed, Ouais. Muh2med, Ouais. puis Ou comme ça, on a une variante. Mouhamad, peu importe. Ouais, t'as toutes les déclinaisons possibles Ouais. de Bougnoul, quoi. Et ça, c'était vrai aussi à Londres. Ça, il faut bien le savoir. C'est-à-dire qu'ils ne partent pas du principe que Muhammad ou Mohamed, c'est le même nom. Eux, ils prennent l'orthographie, etc. Alors ça, c'est tous les charmes, hein, des différents dialectes du monde islamique. Hein, voilà. Donc, alors, si tu t'appelles Muhammad et pas Mohamed, tu vois, bah, c'est pas pareil. Alors, voilà, quoi. Ouais, c'est un blasphème. Mais je crois qu'il y a même une famille sur le territoire français qui a récemment voulu appeler son fils Mohamed Merah, je crois, c'est pas ça? Ouais. Ah oui, c'était à Nice, ça. C'était à Nice. Et alors, ils ont, alors, dans leur grande bonté, interpellés par les autorités publiques, ils ont accepté de renoncer à Mohamed, mais pas Mera. Bah, non, Merah, c'est pas le nom de famille, non? C'est là le truc. C'est que les mecs ont renoncé au mot Mohamed, mais pas Mera. Ouais, c'est comme s'ils acceptaient d'appeler leur fils Dupont. C'est ça le truc. C'est... Moi, j'ai bien compris. Ils ont pas. D'ailleurs, ça a été dans la presse. C'est-à-dire qu'ils ont la presse a mentionné le fait de la plainte. Je crois que ça a été à l'initiative d'Estrosi. Tiens, pour une fois, il s'est réveillé. Je sais pas ce qui lui est arrivé à celui-là. Il a porté l'affaire en justice et tout au tribunal administratif. Le tribunal administratif a enjoint la famille à faire une modification. La famille, donc deux métèques musulmans, probablement algériens, suivez mon regard, a accepté, sous pression à mon avis très forte, de la CAF de changer de nom, et ils ont dit d'accord, ok, on enlève Mohamed, par contre on garde Mera. Hein. Voilà, ça c'est la France, toute la vigueur de la trique molle de François Hollande, on va y revenir. Bref. Enrichissement culturel maximal. Alors, enfin, troisième et dernier sujet de notre rubrique autisme radical. Alors là, j'ai trouvé ça très exotique. Et Frédéric Danlévier va nous en parler de façon privilégiée. Mexique. Des migrants africains se massent à la frontière américaine. Image étonnante, je cite la presse, de la nouvelle destination des migrants africains en provenance du Ghana, du Nigeria, de Somalie et du Yémen, qui passe désormais par l'Amérique du Sud pour rejoindre les États-Unis. Alors, faut voir les images des cohortes de nègres qui se bousculent vers les États-Unis, mais qui viennent de l'Afrique noire, bleu, ils sont bleu pétrole. Bleu foncé, quoi, voilà, c'est ça. Non, mais t'as vu les images? Impressionnant, je suis sur le cul. Ouais, bah écoute... C'est la grande alliance c'est The Rising Tide of Color, tu vois, c'est-à-dire les métèques d'Amérique du Sud qui font le passage Underground Railroad pour faire passer les nègres. Et je pense qu'on devrait, enfin, franchement, il faudra se poser la question, quand est-ce qu'on pourra commencer à considérer les nègres comme armes biologiques? C'est-à-dire que vraiment, ouais. les nègres, c'est on te déverse ça dessus, voilà, ça sert à rien sinon à faire caca et à polluer. Quand est-ce que, par exemple, un parti écologiste va pouvoir considérer l'Africain comme de la pollution? Je me pose la question. Et ben, c'est vrai que... Ah bah alors là, moi, c'est dommage que tu n'aies pas participé à la primaire des écologistes en France, parce que tu aurais eu des propositions innovantes. Ah bah, certainement. Alors, sur cette affaire, parce que Trump a beaucoup parlé de la frontière sud mexicaine, et alors en France... C'est un sujet qui est très mal compris parce que en fait les types comprennent mal. Ils disent quoi, c'est des pépitos avec le chapeau qui passent la frontière, etc. Alors que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Moi, je me rappelle que tu connais le site Judicial Watch. Je pense que tu le connais, ce site. Oui, j'ai déjà rencontré ça. Ils ont rapporté. Alors c'est un site très très sérieux qui rapporte en fait qui demande aux autorités en moyennant des procédures, etc. À publier des documents officiels de l'administration américaine. Ça peut être l'administration d'un État, ça peut être l'administration fédérale, ça peut être, voilà, ou d'agences particulières. Ça peut être, par exemple, la police anti-drogue, etc. Ils ont eu des informations qui ont été publiées en 2015 qui expliquent comment le Hezbollah collabore avec l'État islamique et les cartels de la drogue mexicains pour faire transiter via la frontière sud des États-Unis tantôt des cellules djihadistes sur le territoire américain et tantôt d'autres choses, parce que ça va dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire venir des armes depuis les États-Unis vers le Mexique et ensuite revendues à destination du Moyen-Orient. Il faut bien comprendre qu'on est dans une ère complètement nouvelle et on est encore avec des schémas où on a l'impression que l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, c'est infranchissable. Ça a complètement changé. Et le Mexique est largement dominé par les cartels, et pour pas parler des mafias qu'il y a en Amérique du Sud. Et ces types utilisent la porosité de la frontière sud des États-Unis pour jouer dans un sens comme dans l'autre. Et Trump a vraiment mis le doigt sur quelque chose, au plan géopolitique, dans le coup. Et ça, ça n'a vraiment pas été expliqué aux gens. Et quand j'ai vu tous ces nègres s'agglutiner à la frontière américaine, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Parce que là, j'ai l'impression que c'est le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est les masses d'orques. C'est le Mordor, c'est l'alliance de toutes les sales races de merde du Mordor contre... Ouais. contre les villes humaines et elfiques, quoi, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Et quand on creuse le dossier, moi au début, j'étais un peu comme tout le monde, je pensais que non, il y avait des cartels qui passaient de la cam, un peu en mode Breaking Bad, on fait du. Non, non, ils passent des nègres. Ils passent du nègre, ils passent de l'islamiste, du djihadiste. Rappelez-vous aussi, vous savez, cette opération à Dallas. Où il y a eu des flics qui ont été butés par un nègre surexcité, là. Est-ce que vous saviez, parce que ça c'est un exemple, est-ce que vous saviez qu'une des armes, que des armes qui ont servi à des opérations djihadistes en Europe, en France et en Belgique, ont transité par Phoenix et, qui sont passées, et qui sont passées par la frontière américaine, direction le Mexique et ensuite. Ont transité vers l'Europe. Ouais, et ben ça, c'est grâce au cartel, c'est cette coopération active entre les Iraniens, le Hezbollah, l'État islamique, parce que c'est un truc très compliqué. Ah ouais, nous, on a dit... ils se font la guerre sur place, donc en Syrie, mais après, sur l'ennemi commun, si tu veux, les États-Unis, l'Europe, bon, voilà. On trouve un terrain d'attente. Quoi, hein, c'est-à-dire qu'en fait, contre les Blancs, ils seront toujours d'accord. Voilà. C'est ça le truc. Et est-ce que vous savez, je vous donne une petite info, est-ce que vous saviez que le fils de Ben Laden est protégé par l'Iran chiite? Ah. Voilà. Donc, laissez-moi tranquille avec vos chiites, machin, traditionnalisme, mes couilles. Je pense qu'il doit en avoir plusieurs. Quand même, mais... Ouais, mais enfin, disons, celui qui reprend mais le grand mais c'est parce en qu'il résiste à l'impérialisme occidental. Attends, un petit peu, ah oui, bah oui. Alors, est-ce qu'il fait des connelles? Bah, je sais pas, faudra lui demander... De toute façon, je pense que si c'est le fiston, à mon avis, il doit préparer des couverts au lait dans tous les coins. Enfin bon. Bref, bon, ça c'était la minute américaine. En tout cas, chaud la frontière sud. J'espère que Donald Trump va nous bâtir un mur. Bah, un mur normalement, il y a déjà 1900 miles de murs qui sont prévus. D'ailleurs, Donald Trump avait pris cette photo, hein, on en avait parlé, je crois, avec son nominé pour la sécurité nationale, là. C'est lequel, c'est sur la c'est photo, vous pouvez bien voir sur le papier que le mur était prévu. Oui. Alors j'espère qu'il ne s'agissait pas juste d'un effet d'annonce et qu'effectivement, si on pouvait par-dessus mettre des mitrailleuses lourdes, des lasers, des drones, des tout ça, ça serait encore plus rigolo. Mais bon, on peut rêver. Des sulfateuses. Moi, je veux des sulfateuses. Ouais, ouais, ouais. Avec des sulfateuses, parce que maintenant ça existe ça, tu sais, les trucs qui repèrent les mouvements, etc. Et waouh, tu vois, ouais, ça pourrait être sympa. Bah dis donc, ça, je pense que ça aurait quand même un effet largement dissuasif. C'est à un moment il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Hein. Exactement, exactement. Ah là là, bon, eh. Ah, ça m'émoustille, moi, ces histoires de murs avec des mitrailleuses. Bon, enfin bon, passons malheureusement à notre rubrique numéro 2. De la semaine. Alors là, c'est Marine Le Pen en mode pépé de frog. Alors là, les gars... Bon, alors, commençons par le commencement. Donc c'est un petit peu un sujet où on va aborder le début de campagne de Marine Le Pen et du Front National de façon critique, mais pas systématiquement critique. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire du mal de Marine Le Pen pour dire du mal de Marine Le Pen, ou de dire du mal du Front National pour dire du mal du Front National, c'est pas le sujet, mais c'est de porter des critiques là où c'est nécessaire, parce que c'est comme ça qu'on avance. Quoi. Alors, pour commencer, campagne qui a commencé par Mayotte. Alors, gardez vos réflexions. La France profonde. Voilà, la France profonde. Le terroir. Je cite la presse. Marine Le Pen, en visite à Mayotte, a été adoubée jeudi par des chefs religieux musulmans de l'île, dont le grand Cadi, qui a formulé des prières putain, c'est... pour qu'elle devienne présidente de la République en 2017. Dans le cadre de sa campagne pour la présidentielle, Marine Le Pen avait souhaité rencontrer les Cadis, donc elle a souhaité les voir, les responsables religieux musulmans, qui jouent un grand rôle dans la société mahoraise, comme elle avait rencontré deux jours plus tôt l'évêque de La Réunion lors de son déplacement dans l'île. Le grand Cadi et six autres Cadis ont demandé à la leader frontiste, par l'intermédiaire d'un traducteur, les Cadis parlent la langue locale, le chimaoré, que, je cite, « leur rôle dans la lutte contre le fondamentalisme soit préservé ». Il a également dit « implorer Dieu, donc Allah, hein, implorer Allah, pour que la présidente du FN devienne chef de l'État en 2017 ». Vos réactions, chers amis? Moi, je pense que c'est évidemment en accommodant et en rendant l'installation de musulmans, hein, souvent avec des QI à deux chiffres plus faciles, qu'on combat évidemment le fondamentalisme islamique. Hein. Je pense que c'est vraiment la méthode la plus efficace. Faisons copain-copain avec ces sortes de bougnoules, chefs musulmiques d'élite ou je ne sais pas, nègres, j'imagine. Oui, donc des nègres musulmans, on ne sait pas. Et c'est comme ça, hein, je veux dire, c'est la stratégie, genre le département, quoi, les spécialistes de la stratégie du Front National. Nous allons lutter contre le fondamentalisme islamique en accommodant des musulmans nègres de Mayotte. Je pense que là, les mecs du Front National... Ils font un calcul... Attends, je veux pas que tu te moques, ils font un calcul savant. Je crois qu'en France, on a vraiment une élite intellectuelle que le reste du monde peut nous envier. Donc moi, j'ai envie de dire merci au Front National, merci Marine Le Pen, hein, qui va certainement arriver à battre François Hollande sur sa gauche, finalement. Hein, donc on peut être fier quelque part, fier d'être français, fier de nos partis nationalistes. C'est magnifique, merci, applaudissements. Oui, donc il fait chaud, il fait beau. La maternité de Mayotte, c'est la maternité la plus prolifique de France, hein, s'il vous plaît, parce que c'est pareil que c'est la France. C'est un symbole. Voilà, donc la stratégie du Front National qui va faire, je pense, une politique pour la famille, hein, ça va être de développer la natalité encore plus que ce qu'elle est déjà à Mayotte, pour, ma foi, faire une cohorte des millions de musulmans modérés de Mayotte, voilà, pour lutter contre le fondamentalisme islamique. C'est une stratégie gagnante, bravo. Ah bah, c'est-à-dire que le Front National en est à parier sur la multiplication des nègres, quand même. Hein. Il faut le dire. Voilà. Alors, moi, je peux en parler de cette affaire. Alors, d'abord, il faut rappeler que Mayotte, à la base, c'est un confetti qui a été shippé aux Comores et qu'on a, sur le tard, il y a quelques années, transformé en département français. Ils ont fait un référendum local et tous les nègres étaient pour. Allez savoir pourquoi. Et soudainement, grâce à l'afflux d'aides sociales et compagnie, tous les Comoriens veulent converger vers Mayotte pour aller... les femelles veulent aller mettre bas à Mayotte. Parce qu'évidemment, dès qu'un négrillon est né sur le territoire de Mayotte, il devient automatiquement un citoyen français. Alors, je vous invite à regarder des vidéos YouTube sur Mayotte, parce que je sais que beaucoup de Français savent pas que c'est, ils savent même pas ce que c'est ce truc. Regardez les vidéos, vous allez voir, il y a des machins. Enfin, des hominidés qui font des bruits. Des orques. Ils font des bruits. Et ce sont vos compatriotes. Ils ont des passeports comme vous, des cartes d'identité comme vous. Ce sont des Français. L'Empire français se porte bien. Je sais que ça fait plaisir à beaucoup de gens. Ils sont quand même très productifs. Et c'est eux, hein, avec la force de leur travail et les impôts qui vont payer, qui seront capables de payer les retraites de nos amis 68 ans à la retraite. Hein, c'est voilà. Important. La productivité des nègres, quoi. Attention, hein. Accrochez-vous, alors, les gars. Alors, le truc, c'est que moi, dans ma vie perso, professionnelle, j'ai eu affaire à des mecs de Mayotte qui ont débarqué en France. Les types savaient pas trop qu'est-ce qu'ils foutaient là. On leur disait, ouais, mais il faut aller là-bas faire une formation professionnelle, etc. Parce qu'évidemment, sur l'île, il n'y avait rien à foutre. Alors, les mecs débaroulaient. Ils faisaient des formations de je sais pas trop quoi, etc. Et puis, c'est-à-dire que la France a entrepris de civiliser les nègres, mais comme on peut pas les civiliser sur place, ils les civilisent en métropole. Et évidemment, ils pondent des rejetons. Cette phase d'africanisation de la France est proprement terrifiante. Et cette départementalisation de Mayotte est une décision qui a été prise par des enculés de politiciens et de bureaucrates qui doivent se compter grosso modo sur les doigts de deux mains. Et on est obligé d'avaler leur décoction pendant maintenant 3 ou 4 siècles, c'est-à-dire des bordées de nègres et de métis. Voilà, merci la République française, merci les nostalgiques de l'Empire français, voilà, merci. Ouais, qui envoie aussi ses fonctionnaires, quelques-uns de ses fonctionnaires là-bas, pour faire court à ces gens-là, à Mayotte, et notamment aux jeunes femmes qui vont là-bas faire quelques cours, et puis terminer en dansant sur la plage autour du barbecue avec tout ce qui s'ensuit, donc et qui sont payés deux fois plus. Attends, mais il faut bien des fonctionnaires pour s'occuper de distribuer les allocations, quand même. Ils sont payés deux fois plus que, non seulement l'eau est deux fois plus chaude, mais en plus le salaire est deux fois plus important. Donc. Les réjouissances de fin de soirée sont encore plus. Non mais c'est surréaliste quoi, c'est-à-dire que. Mais vraiment. Quoi, et comment se porte le SIDA là-bas? Est-ce que le SIDA a une chance de nous sauver ou pas? Non. Ah merde. Parce que t'as la trithérapie qui te coûte un bras, toi. Bah, non mais en métropole, t'as la sécurité sociale, donc. Voilà. Si tu as des nègres sidaïques, 100% de nègres sidaïques, tu auras 100% de nègres. Putain. À la trithérapie, je sais pas combien, une dizaine de milliers d'euros. Voilà. Saint-Sida ne peut même plus faire son travail correctement, quoi. Ouais. C'est du blasphème. Ouais. Saint-Sida a été tué par la maladie des Blancs, quoi. Te dire. La maladie des Blancs qui s'appelle le progrès et qui envahit l'Afrique. Ah, j'aurais dit le socialisme, moi. Alors, ceci étant dit, oui, non, mais je sais, mais ça, c'est un débat qui va durer encore longtemps, je pense, mais j'enchaîne, ceci étant dit, sur Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, elle démarre quand même sa campagne dans un truc qui est juste la pompe aspirante de la négritude de l'Afrique du secteur, quoi, où on nous ventile du négro en métropole depuis là-bas. Il faut voir la gueule des nègres. Je répète, regardez des vidéos des nègres de Mayotte, je vous dis, franchement, ça fait peur. C'est Walking Dead, Le Seigneur des Anneaux, vous savez pas trop. C'est entre les deux, je présume. Et alors, donc, on commence la campagne là-dessus. Les victoires de l'Empire français à rebours. Et alors, donc, cette campagne qui est brillante, alors que, entre-temps, Fillon, qui est un fiefé immigrationniste, se découvre une âme, tout d'un coup, d'ultranationaliste catholique, prêt pratiquement à tuer du musulman à vue. Pendant ce temps-là, Marine Le Pen a décidé de changer de braquet. Elle, non seulement c'est la France apaisée, mais c'est la France négrifiée avec les prières des caddies musulmans pour accompagner sa victoire en 2017. Ça peut fonctionner, ceci étant dit. Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en France, donc, je sais pas, au niveau politique, t'as mec comme Fillon, hein, on a vu un petit peu, c'est vrai, que son passé, etc., on en a parlé la semaine dernière, il a juste à dire 2-3 trucs de droite. Les gens votent pour lui, quoi. Il fait mentir les sondages, tu vois, en faisant quelques petits propos sur l'immigration, l'islam et compagnie. Paf, 5 millions d'électeurs à la primaire, Juppé, Sarkozy dehors. Et là, t'as Marine Le Pen, tu vois, elle va à Mayotte. On comprend pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'offres politiques à droite en France, quoi, que bon, hein, voilà. Sûr que Fillon gagne un voilà, peu ça, par c'est vrai défaut, que niveau quoi. Droite dure en France, on croule sous les partis d'extrême droite en France. Non, mais il suffirait juste quoi qu'il y ait un discours qui soit quand même un petit peu plus renforcé sur les fondamentaux pour qu'au niveau qu'il y ait un petit peu d'entrée. Alors que là, finalement, là, on parlait de Pépé the Frog là, qui commence à faire la campagne Pépé the Frog. Putain, mais attends, mais la campagne, enfin, ce qui était la mascotte de Trump, quoi, hein, par tous les trolls, rattacher ça à Marine Le Pen qui s'excuse à tout va, qui dénonce l'extrême droite et qui va voir les métèques à Mayotte, putain, mais c'est à vomir. À vomir, ouais. Non, mais cela dit, je sais pas si elle l'a fait exprès, je pense que c'est. C'est pas elle. Oui, c'est on lui a un peu attaché ça. C'est pas elle, ça, mais on voit qu'il y a des mecs qui essayent de pousser le truc. Alors que, objectivement, Marine Le Pen, sa campagne est une campagne de gauche. Alors, Attendez, mais je veux juste finir là-dessus. Je veux dire, moi, je veux pas juger de la stratégie au sens c'est pas fondé, etc. Ok, d'accord. Mais qu'on vienne pas me seriner le truc en disant voilà, Marine Le Pen est extrêmement. Non, Marine Le Pen a décidé de faire une campagne une campagne socialiste, on va dire à peu près. Et ça peut avoir sa cohérence. Si elle se dit, c'est-à-dire que le Front National va gagner en Afrique, quoi. Non, en fait, c'est des gens, il faut bien comprendre, c'est des types, ils font des équations de basse politique, ils se disent, on va être au deuxième tour contre le candidat de droite, il n'y a aucun espace à droite, on va bouffer à gauche, et on va donner tous les gages, et c'est parti, et vas-y que je te, etc. Bon, au plan tactique pur, c'est pas forcément débile. C'est qu'effectivement, quand tu vas arriver face à Fillon, imaginons que ce soit lui, tu vas pas dire ouais j'ai plus d'expérience, bah non, je suis plus libéral, voilà. Qu'est-ce que tu vas dire? Bah tu vas rien dire, tu vois. Donc les mecs, ils vont forcément vers la gauche, tu vois. Et Philippot, il pousse vers ça, tu vois. Bah, c'est-à-dire qu'on avait déjà des épiciers de l'antisémitisme, alors maintenant on a des épiciers de la négrophilie, quoi. Voilà. On a un peu de tout, quoi. Bah, puisque François Fillon veut remettre en cause les avantages de certains et le temps légal de temps de travail, par exemple, ce qu'il avait appelé la flexi-sécurité, je crois, en son temps. Maintenant, donc, le Front veut défendre les acquis sociaux et sur cette ligne-là, ça peut avoir là encore sa cohérence. Pourquoi pas. En fait, c'est comme a dit, comme disent, enfin, j'ai vu certaines publications libérales, qui sont libérales, mais qui ne sont pas fausses objectivement. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, le Front National veut devenir le premier parti socialiste de France. Mais c'est pas bête. Ah bah, le Front National a bien compris le côté l'âme. Enfin, ouais. Il s'est profondément tourné vers le plus que le socialisme, vers le communisme. Des masses françaises et ils essayent effectivement de jouer là-dessus. Ouais, enfin, je sais pas qu'est-ce qui reste de. Je pense qu'ils ont fait le play au niveau, à ce niveau-là, quoi. Hein. Au niveau des voix des mecs du Nord et compagnie, là. C'est. Avec le petit clin d'œil aux nègres, ils peuvent quand même espérer marcher un petit peu mieux quand même dans l'Ouest et singulièrement en Bretagne, par contre. Oui. sur le plan stratégique, alors je sais Gandalf, tu veux pas en parler du plan stratégique, mais vas-y, juste, vas-y. Il faut visualiser qu'en gros il y a 50% d'abstentionnistes et que qui sont ces abstentionnistes, ce sont jamais les mecs d'extrême droite. Tous les mecs d'extrême droite votent pour le FN, même s'ils votent à reculons, même s'ils y vont. Ça les fait chier, ils ont envie de brûler Philippot, machin, mais ils votent tous pour le Front National. Donc elle, c'est chez les abstentionnistes qu'elle peut choper. Les abstentionnistes, ce sont souvent des espèces de gauchias au RSA. Attendez, il n'y a pas que ça aux abstentionnistes. Je veux dire, moi, je l'avoue tranquillement, moi, je suis un abstentionniste endurci. Je connais plein de gens qui sont abstentionnistes, c'est simplement des gens qui disent ça sert à rien, sont tous des pourris, ça va pas changer ma vie, et puis de toute façon, le système est truqué, ça m'intéresse juste pas, tu vois. Il faut pas aller trop vite sur l'abstentionnisme, même si t'as des cancres, je veux dire. Mais t'as plein de gens qui sont des gens honnêtes, mais qui ont pigé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pigé ce qu'on leur dit. On leur dit, écoute, t'occupes pas de ça, t'occupes pas de la politique, c'est pas ton business, tu vois. Et ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des salariés, ça peut être même des petits fonctionnaires, etc. Ils disent oh, ok, d'accord, je suis hors jeu, okay, ma voix compte pas, etc. Je m'en fous. Démerdez-vous avec votre système de merde, etc. Et j'essaye de faire mon truc de mon côté, quoi. Oui, mais je suis d'accord. Tu vas avoir d'autres types d'abstentionnistes, mais le gros. Même si ça représente que 40%, mais c'est un groupe très important des abstentionnistes, ce sont des gens qui sont très attachés au soutien social et tout ça, parce qu'ils en sont les bénéficiaires, ce sont les bénéficiaires du collectivisme. Donc elle sait qu'elle aura les gens de droite, les gens d'extrême droite qui voteront pour elle, donc elle sait qu'elle a rien à gratter de ce côté-là. Elle essaye de gratter chez les abstentionnistes, donc elle va faire du discours social, elle va faire de... Bon, c'est pas forcément mal joué, quoi. Moi, de toute façon, tant qu'elle est sur l'immigration zéro, parce que c'est tout ce qui compte, c'est ça, quoi. Ouais, mais pour le coup, c'est un vrai sujet, là t'as raison, moi je suis d'accord. Enfin, moi je pense que tactiquement, elle a pas tellement d'alternatives. C'est-à-dire que même si elle voulait être libérale, ça servira à rien, parce que... Bah, c'est trop tard, hein. Voilà, il va truster le truc, c'est foutu. Donc elle est obligée d'avoir un discours social. Mais par contre, sur l'immigration, je veux dire, si t'as envie d'envoyer un mauvais signal, bah tu vas à Mayotte et tu te fais adouber par des musulmans. C'est-à-dire que là, est-ce qu'elle va vraiment conserver tout... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une partie de l'électorat Front National qui va se dire Mais non, parce que Mayotte, parce que c'est un gros problème, c'est symptomatique du problème de l'immigration. À Mayotte, ils chopent tous les Comoriens, et c'est en partie mais juste, pour ça qu'il y a été. C'est pour dénoncer d'accord, ça. Attends, d'accord, mais qui a départementalisé ce putain de caillou en premier lieu? Le propos révolutionnaire à tenir, c'est de dire, écoutez, le caillou là, on va le refiler aux Comores. Terminé, fin de l'histoire. Nous, l'immigration n'en veut pas, tu vois. Ça, c'est révolutionnaire. Quand tu dis, ouais, on va garder notre putain de caillou, machin truc, avec nos nègres, etc., alors que tu sais que tu vas te taper pendant les 50 prochaines années à venir, des bordées de rafios, de nègres qui vont venir accoucher chez toi pour te pondre, et que les systèmes sociaux vont les bombarder. En arrêtant la ME, en arrêtant la ME, en arrêtant le droit du sol, elle est contre le droit du sol, Marine Le Pen. Attends, il y a combien de mecs, il y a combien de mecs à Mayotte qui n'ont officiellement pas les papiers, qui de facto jouissent des aides des premiers secours. Et moi, je vais te dire un truc. Vaut mieux être clandestin à Mayotte que d'être un Comorien en règle en Comore. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Bah oui, c'est ça qu'il faut voir. Elle, c'est ça qu'elle veut changer. C'est-à-dire que les règles sous son mandat changeront. Et justement, ça sera fait pour les habitants de Mayotte, non pas pour les Comoriens. Et les Comoriens, bah, il n'y aura plus d'appel d'air. Ils n'auront plus rien à foutre à Mayotte. Et pourquoi plus Mayotte que Madagascar ou qu'autre chose? Ils vont à Mayotte tout simplement parce qu'on a le régime le plus facilitateur. C'est tout. Parce qu'il y a des Blancs qui s'occupent de la boutique et ça marche. MacDav. Ouais, enfin, pour revenir à Mayotte, c'est juste un calcul qui a fait Sarkozy, je crois. Pour une petite présence dans le canal du Mozambique qui a une portée stratégique qui est quand même assez minime, on était d'accord pour d'ailleurs en totale contradiction avec le droit international, puisqu'il s'est passé exactement la même chose à Mayotte qu'en Crimée, pour accueillir des millions de nègres. Alors pas des millions exactement, parce que je crois que la population... c'est à peu près 1,5 million, je crois, ou un petit peu plus d'un million de Maoris, ce qui est, c'est un suicide. Et pour en revenir à l'abstention qui serait le piège pour l'extrême droite, c'est un peu vrai, parce que je crois qu'aux élections européennes de 2014, on avait interrogé les abstentionnistes, et en fait, il n'y a pas de profil type de l'abstentionniste, parce qu'il y a vraiment beaucoup de n'importe quoi. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que si on avait forcé les gens à voter, le Front National aurait fait un score plus important. Donc, ça sert à rien de se branler sur l'abstentionnisme. C'est l'enculage de mouche. Ouais, oui, il y a des abstentionnistes dégoûtés complètement du système. Il y a des abstentionnistes qui ont auparavant voté, qui ont voté plutôt à gauche, qui trouvent que voilà, c'est pas... Bon, il y a des gens, oui, dans les abstentionnistes, il y a de tout. Maintenant, une petite dernière chose, on parle de Marine Le Pen à Mayotte. Moi, je pense qu'elle le fait dans l'optique, là encore, de la dédiabolisation, que l'on peut critiquer la volonté de dédiabolisation. Parce que comme ça, elle pourra dire, ah bah oui, mais moi, j'ai visité toutes les dom-toms, tous les départements français. Moi, je me suis converti à l'islam, voilà. Mais évidemment que Mayotte, ça va pas être un thème central de l'élection présidentielle en 2017. Alors peut-être que ce serait intéressant d'en parler davantage, mais bon, elle va pas axer là-dessus. Ce que va faire le Front, c'est très clairement déjà attaquer systématiquement Fillon, ce qu'ils ont commencé à faire déjà, puisque Fillon a été Premier ministre. On va pas refaire toute la discussion sur Fillon, mais enfin. Et puis sinon, évidemment, considérer que Val, c'est la continuité de Hollande et sur ce plan-là, ils sont pas mal. Je pense qu'ils ont les arguments, ils ont une tendance internationale qui va plutôt dans leur sens aussi, même s'ils avaient été frileux sur le soutien à Trump. Ils avaient dit qu'il fallait battre absolument Hillary Clinton, ce qui a été fait. Là, ce week-end, il y aura d'autres élections qui pourront peut-être faire pencher la balance encore du côté du Front National, même si Norbert Hofer en Autriche c'est quand même un peu mou du genou, hein, je trouve. Mais ils sont pas mal. Ils ont peut-être le vent en poupe, alors c'est sans doute pas le meilleur Front National, le meilleur cru de ces dernières années, mais bon, en tout cas, statistiquement, ils sont proches de... Le Front National est proche de la Russie, et Alexis, ils n'y ont pas été... arculant hein, dans leur soutien pour Trump. Ouais, attention. Elle a clairement dit qu'elle soutenait Trump. Non. Au départ, ils se sont, tu sais, ils ont pris des pincettes, ils se distançaient, etc., etc. Et en fait, c'est comme toutes les merdes de France, c'est quand on a compris qu'il allait gagner ou que c'était très probable que là, ah, tout d'un coup, ah oui, en fait, on est content, etc. Non, ouais, c'est révélateur d'un état psychologique et d'un état moral, c'est-à-dire que tu vois quand t'es quelqu'un de courageux, tu prends des risques. T'es pas là comme un épicier, comme un boutiquier en train d'essayer de calculer tes trucs, tes centimes. Tu prends un pari. Tu dis voilà. Et puis en plus, t'as les principes. Donc enfin surtout t'as les principes d'abord, le risque ensuite. Eux, y a rien de tout ça. Je regarde le sens du vent, je regarde ce que disent les médias. Putain, mais si tu commences comme ça, qu'est-ce que tu veux que ces gens gouvernent? C'est pour ça que finalement, La vraie politique, c'est-à-dire la politique, dans la pensée politique, la réelle politique, c'est très masculin. Mais la politique politicienne, la politique des partis, la politique, c'est un art très féminin. C'est pour ça que moi, ça me dérange pas que ce soit Marine Le Pen. Dans, en mode démocratique, là où il faut attirer le plus grand nombre, où il faut faire de la petite, des petits arrangements, des petits compromis, il faut faire l'anguille en fait et bouffer à tous les râteliers. Non, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, tu dois te plier à un certain exercice. C'est-à-dire qu'il faut parler à beaucoup de gens. Mais les gens, l'opinion publique n'aime pas que tu te foutes de sa gueule. Tu vois, faut que tu exprimes une certaine cohérence, quoi. Faut que ce soit cohérent et faut surtout une sincérité. Une sincérité. Les gens sentent, et vraiment l'opinion publique, même les gens qui sont pas intéressés par la politique, et ils sentent physiquement quand quelqu'un est sincère de quand quelqu'un est un enculé, tu vois. Et là, on a affaire à des gens qui n'ont aucune conviction. Je parle de ce que je vois. Hein. N'ont pas de conviction profonde. On désignait un ennemi extérieur parce que c'est pratique finalement, voilà, ça ne veut pas dire que c'est infondé, mais c'est qu'on, voilà, il suffit de dire voilà, c'est lui l'enculé et puis c'est bon. Et derrière ça, ils te font passer des trucs, tu vois, c'est juste à coucher dehors, quoi, tu vois. Et on a parlé de Mayotte, c'est ça, bon, je ne vais pas me focaliser sur Mayotte, mais c'est quand même symptomatique. À l'exception. C'est quand même symptomatique. Le Pas-de-Père avait lui dit que très tôt, qu'il y a 5 ans déjà, que la Syrie, qu'en Syrie, que Bachar el-Assad était aux prises avec une guerre civile face à des islamistes et qu'il fallait pas soutenir al-Nusra, que c'était criminel de le faire. Et puis ensuite, il avait, enfin, sur la Russie, ça fait quand même plusieurs années qu'ils ont dit du bien. C'est vrai que sur Trump, le Pas-de-Père avait dit assez tôt dans la campagne qu'il le soutenait. Sa fille, c'était beaucoup plus du bout des lèvres et tardif, bien sûr. Voilà, enfin, on va peut-être passer à autre chose. Ouais, on va passer à Bernard-Henri Lévy. Attends, j'ai un petit interlude en contraste hein, avec Marine Le Pen, à qui on a collé la grenouille, là, Pépé Zofrog. Oui, mais Frog, ça, c'est insupportable, c'est insupportable. Ah bah, bien malgré elle, hein, mais en contraste avec ça, donc on peut se féliciter cette semaine du ralliement de Pierre Sautarel, donc de F de Souche, hein, qui s'affiche maintenant, qui a décidé d'arborer sur ses bannières Pépé Zofrog. Alors là, c'est un choix qu'il a fait lui-même, évidemment. Pépé Zofrog, explique ce que c'est Pépé Zofrog. Ah oui, alors bah, c'est le symbole donc des trolls américains qui sont issus de 4chan, de la comment dire du forum politique de 4chan, qui sont à peu près ouvertement nazis pour enfin le slogan c'est Gas the Kikes, Race War Now, c'est-à-dire gazer les juifs, guerre raciale maintenant. Et donc, on peut se féliciter que Sautarel ait enfin vu la lumière, qu'il ait décidé de s'afficher comme ça avec nous. Donc, bah écoute, Pierre, bienvenue. Merci, on te tend la main. Hein. C'est gentil enfin d'avoir fait le pas. Ça t'a pris un petit moment, mais ça nous laisse entrevoir quand même un espoir. Voilà. Donc, oui, tu veux dire que moi, ça... ouais. Non, moi, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a beaucoup surpris parce qu'il avait l'habitude, en plus d'être assez, d'essayer de prendre ses distances, il était assez, assez appétisant, quoi, dans sa façon d'aborder la politique. Légèrement bédé, oui. D'un seul coup, c'est vrai que c'est, bah, c'est bien de sa part, quoi. Bravo à lui. Ouais, là, c'est Pépé the Frog partout. Ça y est, c'est bon, je crois que ça se transforme, c'est F de Souche, ça est... parce qu'il faut quand même le préciser, c'est-à-dire que Pépé the Frog est officiellement considéré comme un symbole de haine par l'ADL, hein, l'Anti-Defamation League, donc qui est une organisation juive américaine, et quiconque affiche une grenouille, Pépé, est considéré comme donc un antisémite et un nazi, un national-socialiste, quoi. Et bon, bah visiblement, F de Souche est... et son gérant principal a décidé d'assumer quoi d'être un antisémite forcené. C'est couillu parce que c'est vrai qu'il a longtemps hésité quoi. Bravo, ça c'est des couilles. Moi, je trouve. La bonne note, la bonne humeur de la semaine quoi. Merci. C'est pas porteur financièrement quoi. C'est porteur sur le plan des vues, mais fasse attention. Quoi. Ouais, et d'ailleurs, on salue Pierre Sautarel, et puis, Ouais, salut Pierre. Gros boulot que tu fais avec F de Souche, c'est tout super. Toute ton équipe, bravo. continue comme ça, tu fais du bien à la population de souche, à la population autochtone, tu fais du bien aux blancs. Alors, maintenant, je passe à Bernard-Henri Lévy. Bon, c'est la minute marchande de la semaine. Hein. La minute marchande, les petits gars. Alors, Bernard-Henri Lévy, comment dire alors, vaste sujet, mais en même temps, alors, il s'est planté 3 fois, le garçon. 3 fois de suite. Donc, ce mec-là, c'est la boussole qui indique le sud. C'est la boussole qui indique le sud. Alors, BHL sur le Brexit. Je le cite, hein. Défaite probable du Brexit. Déroute donc des souverainistes, des xénophobes, des racistes, reste maintenant à refonder l'Europe. Ça, c'était sur le Brexit. Sur la victoire de Trump. Alors là, il confessait, hein. Je me suis couché hier soir persuadé qu'Hillary Clinton allait gagner. C'est la défaite, donc après qu'il ait appris donc la défaite d'Hillary Clinton, voici ce qu'il dit, c'est la défaite des minorités, c'est la défaite des femmes, c'est la défaite de ceux qui pensent que Poutine n'est pas l'ami des États-Unis, la revanche de ceux qui ne supportent pas d'avoir été gouvernés par un noir ou un métis pendant 8 ans. Putain, il est en forme, BHL. Sur Hollande, questionné le 11 novembre, donc c'est pas vieux, hein, ça date d'il y a une vingtaine de jours, quoi. Souhaitez-vous que Hollande se représente? Réponse de Bernard-Henri Lévy, oui, c'est un bon président. Voilà. Alors Bernard-Henri Lévy, c'est vraiment le mec avec qui il faut pas prendre l'avion avec ce mec. Hein, parce que c'est juste pour l'année 2016. Si tu remontes à 5 ans, t'en as pas autant. Hein, c'est un flux continu, c'est une performance qui s'inscrit dans la durée. Non, attends, c'est plus compliqué que ça, parce que le juif Bernard-Henri Lévy, de gauche, est un type, tu vois, c'est-à-dire que dans les années 90, il est dans le bon sens, c'est-à-dire que tu sens que là où il tape, ça se passe, il dit voilà, ouais, Milosevic, enculé, tout d'un coup Milosevic finit en tôle, il dit voilà, en 2011, là, c'est le tipping point, tu vois, c'est-à-dire, ouais, Kadhafi, enfoiré, Kadhafi finit liquidé, et puis, dans le tournant 2011-2012, il dit putain, Bachar l'Assad, enfoiré. Et là, ah non, hop, ça se passe plus. Là, tu vois, ouais, Bachar, il est là, il rigole, il se marre et tout, tu vois. Et par contre, Obama fini, Hollande fini, Poutine plus rayonnant que jamais, Trump triomphe, le Brexit, etc. Voilà, j'ai l'impression que l'étoile de Bernard-Henri Lévy commence à baisser, malheureusement pour lui. Tu aurais pu aussi évoquer le philosophe imaginaire qu'il avait cité. Alors, c'est comment déjà? Botul, voilà, Bernard, oui, c'est ça, Botul. Et il est soi-disant philosophe réfugié au Paraguay, et qu'il avait cité, mais c'était en fait une blague. C'était une blague. Réfugié au Paraguay, oh là là. Oh, ça nous rappelle les inconnus, ça. Hein. C'est Abel Chemoul, quoi. Abel Chemoul. Oh mon Dieu. Bon, mais allez, si je me trompe pas, d'ailleurs, la Russie de Poutine n'autorise pas. Alors, je sais pas si c'est Bernard-Henri Lévy ou un autre intellectuel juif qui lui ressemble beaucoup. Mais George je sais Soros. Qu'il y en a, George y en a Soros quelques-uns interdit, qui sont pas autorisés. George Soros est interdit de territoire russe. Ah voilà, Soros. À mon avis, Bernard-Henri Lévy, faudrait peut-être évoquer ça. Le petit Glucksmann, quand il sera à Moscou, il doit avoir quelqu'un qui le suit, quoi. Et je pense pas qu'il soit autorisé à y aller. Alors, moi, je rappelle quand même pour nos auditeurs, c'est-à-dire qu'en 2014, Bernard-Henri Lévy trônait sur le Maïdan à Kiev, sûr de lui et dominateur, et que maintenant, il trône. Oui, pas plus loin que la place Saint-Germain-des-Prés, vous voyez. Et ça sent un peu le Berlin 45 à l'envers, vous voyez. Je veux dire, les hordes brunes se rapprochent, voyez-vous. Donc, j'ai tendance à croire que l'année 2017 sera riche en événements. Mais pas positif, par contre, pour notre ami Bernard-Henri Lévy Botul. Ouais, mais attention, le côté ridicule du personnage, qui est absolument incontestable, pourrait faire occulter son côté criminel. Enfin, moi, le type s'est revanté d'être le chef d'orchestre de l'intervention en Libye. Si tel est le cas, si c'est vraiment lui qui a dirigé les opérations, que c'est Sarkozy qui lui a filé les clés du camion ou les clés de l'aviation, je sais pas, c'est abominable. Enfin, je veux dire, c'est... catastrophique. Ah non, t'en fais pas, désespère pas, on pourra toujours l'arrêter, le passer à la question, le refiler aux Russes, eux ils sauront quoi en foutre, hein. En Sibérie, oui. Surtout, il y a plein de trucs à foutre. En Sibérie, je veux dire, au niveau travaux pratiques, il y a plein de choses à faire. Oui, hein. Il y a Mikhail Rolorkovski, qui était pas mal, qui avait été prolongé pour attouchement dans les douches, qui a finalement été libéré. Ouais, non, mais nos amis russes ont plein d'idées, ils ont une imagination débordante, les Russes. On leur soumettra le sujet. En tout cas, pause musicale, messieurs, on se retrouve derrière pour parler du sujet, le sujet de la semaine, c'est le forfait de... François Hollande, j'allais dire le touriste de la France française, le touriste absolu, je ne sais pas d'où il sort, on ne sait pas trop d'où il sort, ni d'où il vient, d'où il va, on ne sait pas. Mais on va en parler pendant la deuxième partie. Les vacances sont terminées. Voilà, c'est ça, mais c'est du trapu quand même. Allez, pause musicale, et on se retrouve tout de suite après. L'UMP de Nicolas Sarkozy est vaincu. Le Front National de Marine Le Pen est vaincu. Qu'est-ce qui lui plaît, c'est de s'éclater dans une boîte de nuit en écoutant de la musique, par exemple. Je vous invite à soutenir comme un seul homme le candidat du changement. J'ai nommé François Hollande. Pierre Moscovici, 2012 pour les socialistes, Aurélie Philippe Petit, ensemble avec François Hollande, San Marino, la France avec François Hollande, on y va, 2012 pour le changement, Benoît Hamon, 2012 pour la différence, la propose, ensemble avec François Hollande, les socialistes, la France avec François Hollande. Si vous êtes pour la liberté, si vous êtes pour l'égalité, si vous êtes pour la fraternité, si vous êtes pour la victoire, si vous êtes pour la liberté, si vous êtes pour l'égalité, si vous êtes pour la fraternité, si vous êtes pour la victoire, votez, votez François Hollande, Julien Bray, votez, votez François Hollande, Ali Soumaré, ensemble avec François Hollande, Naja Vanorel Cassel. Ensemble avec François Hollande, Jean-Jacques Audry, la France avec François Hollande. Tout le monde à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Tout le monde à gauche, gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Tout le monde à gauche, gauche, gauche, gauche, à gauche, à gauche. Tout le monde à gauche, gauche, à gauche, gauche, gauche, gauche. Harlem, à gauche. Tout le monde dit socialiste. Hey. Tout le monde dit socialiste. Oh. Tout le monde dit idéaliste. Hey. Martine Aubry est socialiste, Jean-Michel Bayle est socialiste, Ségolène Roy est socialiste, Arnaud Montebourg est socialiste, Farida Boudaou. J'espère que cette pause musicale vous a plu, les amis. Maintenant, nous allons parler d'un sujet, j'allais dire critique, mais en fait, le mot n'est pas le bon, parce que il s'agit de François Hollande, et François Hollande appartient déjà au passé. Il n'est plus notre présent, François Hollande. Mais j'ai jugé utile, et je crois que les personnes qui participent avec nous à cette émission l'ont jugé également, c'est le moment de faire le bilan de 5 années de socialisme sous François Hollande, en sachant que déjà Manuel Valls porte le flambeau de la relève. J'en souffre déjà, rien d'entendre le nom, ça me fait mal. Mais maintenant il s'agit de parler de ce qu'on a souffert, de ce qu'il a fait, de ses crimes. Sans plus attendre, je vais demander à nos participants leur réaction suite à cette annonce surprise, somme toute, de l'abandon, hein, du chat coupé, comme l'avait appelé Alain Soral, formule heureuse, je dois le souligner, Voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut en parler en premier? Est-ce qu'il y a des volontaires? Ça a été quand même 5 années. On était beaucoup ici à se dire qu'il finirait même pas son mandat. Il démissionnerait avant, qu'il y aurait quelque chose. Finalement, bon, il a fini. Il sort d'une manière vraiment plus honteuse, c'est-à-dire qu'il a peur de perdre aux primaires de son parti, le Parti Socialiste. J'ai vu qu'il y a eu des réactions comme quoi le fait de ne pas concourir c'était une réaction noble, etc., etc. Non, c'est une réaction de lâche. François Hollande est un putain de lâche. Il n'y a aucune qualité dans ce qu'il a fait. Je ne vois pas de vertu là, dans cet abandon de la course à la présidentielle, sauf effectivement à pas dire qu'il y a une certaine lucidité, mais pas plus. Ouais, c'est assez terrifiant. Ça rappelle un peu 1940. Mai 40, c'est-à-dire que c'est la grande foirade. Et puis alors, effectivement, Toto, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il nous frustre, nous. Quand je dis nous, c'est un nous collectif, indépendamment de nos sensibilités, etc. On peut même pas se venger en lui infligeant la défaite qu'il méritait. Avec un François Hollande à 8-9%. On peut même pas lui infliger ça, et c'est ça qu'il a voulu viser, et tu l'as très bien dit. Voilà, je me retire, j'espère que dans un an, je serai considéré comme un président. C'est absolument honteux, c'est absolument scandaleux. Le type s'en sort bien, finalement, il s'en sort assez bien. Et c'est ça qui me frappe, c'est que visiblement, c'est Manuel Valls qui est candidat, en fait, à la succession. Et honnêtement, ce que ça m'inspire, c'est que Valls est complètement obsédé par cette présidentielle. C'est un type qui veut être élu président, il ne le sera pas. Mais il est tellement obsédé qu'il est candidat à la succession. Et le truc, c'est que le mec, c'est que Hollande a trouvé un couillon, malgré lui à la limite, a trouvé un couillon pour prendre la foudre. C'est-à-dire que Hollande n'a pas à subir la destruction, l'humiliation, le poids de tout ce qu'il a fait. Il peut sortir du jeu en disant je ne suis pas candidat, etc. Et c'est Valls qui va devoir porter le bilan. C'est Valls qui va devoir assumer. C'est incroyable, mais Valls est candidat parce qu'il est absolument obsédé par son ego. Et je trouve ça fascinant au plan humain, Valls n'a pas deux sous d'intelligence en disant « Ouh là là, moi je veux surtout pas être le paratonnerre ». Non, non, il est candidat, il y va, Quelqu'un veut rajouter un truc ? Oui, encore moi, excuse-moi. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus surprenant de la part de Valls. Qu'il a des chances de se faire battre par Mélenchon. Donc, même au niveau du microcosme de la gauche, par Mélenchon et même peut-être aux primaires aussi. Peut-être qu'il peut se faire battre aux primaires des socialistes. Il peut se passer des choses. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu des. Il y a un moment, en tout cas, au niveau politique en France. Une certaine tendance à éliminer les figures politiques, en tout cas les figures principales. Donc peut-être que Manuel Valls aussi va faire partie du voyage avec François Hollande. Jamais un Premier ministre sortant n'a été élu président. Je crois que Jospin était Premier ministre sortant, puis c'est... Oui, Balladur... 2002. Ouais, c'est ça. Ouais, ceci étant dit, il faut reconnaître un truc, c'est un truc qui... Enfin, ça c'est absolument sidérant, c'est-à-dire que Valls a réussi ce que Rocard n'a pas réussi, c'est-à-dire à éliminer le président en titre. Ça n'est jamais arrivé. C'est une inversion complète du rapport au pouvoir qui a une implication, à mon avis, beaucoup plus large que le simple jeu politique de cet appareil d'État. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous, vous pouvez renverser ce qui est au-dessus. Et Valls, qui est un médiocre parmi d'autres, a renversé celui qui avait été démocratiquement élu en 2012. Alors bon, Dieu sait qu'on pense du mal de Hollande, mais il l'a mis dehors. Mais est-ce qu'on peut attribuer ça au talent de Manuel Valls? Non. Ou plutôt au manque de talent de François Hollande? Parce que bon. Mais c'est ça, absolument. Mais je pense que c'est un effet d'entraînement. Je pense que Valls pense avoir s'être débarrassé de Hollande et il se dit, ouais, c'est bon maintenant. Non, je pense qu'il y a un effet domino, quoi. C'est-à-dire que les mecs en dessous de Valls vont dire, on peut dégager Valls, vous voyez. Et il y a une déconstruction de l'autorité qui est absolument incroyable. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. C'est non seulement ça, mais c'est aussi Macron qui, carrément, lui, on peut dégager Hollande, on peut dégager Valls et carrément, on peut dégager le Parti Socialiste. Donc c'est vrai qu'au niveau gestion de l'autorité du côté de la gauche, hein, de la gauche et du centre-gauche, c'est le grand n'importe quoi. Hein. On peut ne pas aimer les communistes, Dieu sait qu'on ne les aime pas, particulièrement moi. Par contre, au niveau de leur plan politique, même si Mélenchon n'est pas de leur parti, les communistes soutiennent Mélenchon, et voilà, ils font un petit peu table rase de ce qui va pas avec lui. Et voilà, ils ont leur candidature. Et puis, moi, à titre personnel, je pense que Mélenchon sera devant le candidat socialiste, quel qu'il soit, même devant aussi, Macron. Hein. Et peut-être aussi, même qu'il sera au second tour avec François Fillon. Je le crois aussi. J'y crois pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... on a là une atomisation de la gauche qui est logique, parce que je crois, moi, qu'on est à la fin du socialisme, et c'est logique de voir des concurrences. En fait, on est unis dans la victoire et on est désunis dans la défaite, en fait. Et un mec comme Mélenchon, son succès n'est dû qu'à la défaite de la gauche. En temps de victoire, Mélenchon n'exploite pas, c'est normal. Mélenchon ou bien peu importe, quoi, je veux dire. Mais on est à un tournant, parce qu'il faut quand même se rappeler, vite fait quoi, faut se rappeler comment est né le socialisme en France, je veux dire, au plan gouvernemental. Il est né au début des années 70 avec Mitterrand, quand il a fondé le Parti Socialiste comme on le connaît, avec le programme d'union de la gauche, etc. Le programme commun. Congrès d'Épinay, etc. Il a lancé cette machine qui était une machine de guerre qui a fonctionné, enfin, qui a permis à la gauche de prendre le pouvoir. Et c'était sur la base d'une idée simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ennemis à gauche. Il n'y a pas d'ennemis à gauche, quoi. Voilà. Et c'était très compliqué parce qu'il y avait la guerre froide, il y avait le Parti communiste, il avait réussi à rassembler la gauche, c'était pas facile de le faire. Et il avait remporté la partie. Maintenant, on a un truc complètement hallucinant, c'est-à-dire qu'on a un Hollande hors du jeu. On a des candidats à gauche au sein du Parti Socialiste qui sont, j'allais dire, à égalité de jeu. Macron, Valls, Montebourg. On a un outsider qui est Mélenchon, qui représente en fait l'ex-Parti Communiste, quoi, et dans toutes ses nuances, il n'y a aucune chance qu'il gagne, les mecs. Enfin, ils sont foutus. C'est terminé. Donc, en fait, 40 ans d'histoire de la gauche, lessivé. C'est fini, terminé, au revoir. Et en face à ça, on verra ce qui va se passer, mais enfin, bon... à mon avis, le socialisme en France, déjà que sous Hollande, il n'y avait rien. Enfin, je veux dire, au niveau des... C'est pas comme dans les années 70-80, avec des gens qui étaient des intellectuels, parce qu'il faut se rappeler ce que c'était la gauche dans les années 70-80. Il y avait des mecs qui pensaient, il y avait une aspiration, il y avait des gens qui y croyaient. Aujourd'hui, à gauche, il n'y a rien. C'est juste les nègres, plus de pognon pour les bougnoules, les cassos, etc. Ça s'arrête juste à ça. Le mariage pour les PD. Voilà. Taubira. Alors, il paraît qu'il y a des soutiens populaires de Taubira, qu'il y a une pétition en ce moment qui circule. Donc, c'est-à-dire, on racle dans les tréfonds de l'extrême gauche, tu vois. Donc, ils ont réussi à choper 50 000 signatures. Ouais. J'ai l'impression que le marxisme culturel, le marxisme culturel a complètement détruit la gauche socialiste populaire. Et les mecs sont là, ils se posent même pas la question. C'est-à-dire qu'on a même eu Terra Nova qui a dit ouais, on peut foutre les ouvriers par-dessus la fenêtre, on s'en fout. Les types ont perdu complètement les pédales. Et aujourd'hui, c'est quoi l'électorat de cette gauche socialiste? Bah, à part les bobos des grandes villes et les nègres, je vois pas grand-chose, moi, perso. Je sais pas ce que vous en pensez, Il n'y a aucune conviction, si ce n'est d'ouvrir le pays à des gens qui n'ont rien à y foutre et à qui on va foutre des aides sociales, et puis à défendre minorité sexuelle. Autrement, on le voit même François Hollande, je crois. À titre personnel, je ne sais même pas s'il y croit. On ne sait pas quelles sont ses convictions. On ne sait même pas s'il a, à titre personnel, des convictions. Il avait un profil, ne serait-ce que physiquement comme intellectuellement, il avait un profil pour écrire des rapports sur, je sais pas moi, le skate, de la pratique du skateboard à Montigny-les-Cormeilles, enfin ce genre de choses complètement secondaires. Il a totalement le profil de bureaucrate. Ouais, non, mais même comment dire, c'est très marrant parce qu'il y a des mecs de gauche, même des mecs de gauche quoi, qui sortaient du bureau de Hollande, et les mecs disent le problème qu'on avait avec Hollande, c'est que quand on sort de chez lui, on ne sait pas ce qu'il nous a dit. On ne sait pas ce qu'il nous a dit. C'est-à-dire qu'il y a rien. C'est le type n'a pas d'idée. C'est typiquement le fruit d'un appareil politique où le bonhomme a compris que prendre des risques, c'est ce qui te coûte la peau. Et le mec veut survivre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, il prend pas de décision, il rentre pas dans les courants trop marqués, il se glisse, etc. Tu vois, et au bout d'un moment, tu vois, bah, à force d'élimination, c'est-à-dire, tu vois, à force d'éliminer les bons, ou les mecs courageux, ou les mecs qui ont des idées très trempées, bah, au bout d'un moment, il reste plus que la graisse, tu vois, et le mec se retrouve là, mis sous les projecteurs, et dit, tiens, tu vas être président. Ah bon, oui, d'accord, ok, qu'est-ce que je dois dire, etc. Et le mec, quand tu le... Le problème, c'est que l'appareil d'État lui dit, bon, bah, il faut trancher là-dessus, il faut prendre une décision. Et le mec est là, mais je sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire. Et c'est ça, le drame de Hollande, c'est que pendant 5 ans, le type ne pouvait pas répondre. On lui disait, tiens, il faut décider là-dessus, je sais pas. Et son physique recoupe son mental, et c'est assez effrayant, tu vois. Mais il y a eu 51% des gens qui ont voté pour ce mec, quand même. T'sais, on peut pas non plus se défausser. Je trouve que les gens sont en train de se défausser sur lui, etc., en disant « oui, c'est un connard ». Non, il y a 51% des gens qui ont voté pour ce sac à merde. Exactement. Ouais, bon, y avait un rejet de Sarkozy, il faut le dire, hein, aussi, qui était légitime. D'ailleurs... grâce soit louée, hein, on en est débarrassé. Voilà. Ouais, mais le plus gros problème, c'est pas uniquement François Hollande, c'est que en France, il y a des millions et des millions de François Hollande. Donc quelque part, ce président, on le mérite plus ou moins. Alors les jeunes, effectivement, le méritent moins. Mais ce qui est absolument terrible, c'est que François Hollande était président du Conseil général de Corrèze avant d'être président de la République. Son mandat, enfin, qui est vraiment catastrophique, mais c'est juste terrible, aurait dû quand même laisser présager ce qui allait se passer pendant 5 ans. Et pas du tout, les gens ont quand même voté pour lui. Il a quand même augmenté le nombre de fonctionnaires territoriaux de 50% en 3 ans. En Corrèze, je sais pas si vous imaginez, 50% en 3 ans, quoi. Il passe de 800 à 1200. Il y a vu l'affaire des tablettes. La dette du département qui a explosé. Les charges de personnel ont augmenté de 55% en 3 ans. Enfin, tout est catastrophique. Mais c'est pas grave. Quoi. On vote quand même pour François Hollande. Bah, c'est le clientélisme en France, de toute manière, de droite, hein, on se comprend, hein, ou de gauche. C'est j'achète mes électeurs avec l'argent public. Ouais, c'est ça, c'est un peu le problème du socialisme, c'est pour ça que la France est un pays socialiste, peu importe les couleurs. Alors, commençons avec... Attends, Astérix, j'enchaîne. On va passer en revue un petit peu le mandat de ce type. C'est pas que le type en vaille la peine, mais il a accompagné quelque chose que nous, on a vécu, on a tous vécu ça. C'est-à-dire qu'on a vécu un petit peu plus la destruction de notre quotidien. Et c'est ce type-là qui a cautionné ça au plus haut niveau. Premier sketch de François Hollande, en 2013, donc première année de son élection, c'est Leonarda. Alors on va écouter un petit peu le sketch sur Leonarda, vous allez écouter le président de la République qui parle à une sans-papier, gitane, qui vient d'Albanie. Écoutons-le parler. Leonarda, si elle en fait la demande compte tenu des circonstances, et qu'elle veut poursuivre sa scolarité en France, un accueil lui sera réservé. Et à elle seule. Une instruction sera adressée au préfet par le ministre de l'Intérieur, prohibant toute interpellation d'enfants dans le cadre scolaire, aussi bien dans les établissements que dans les transports, les sorties ou les centres de loisirs. Voilà, donc c'est un président en fonction qui s'adresse à une Rome qui vient d'être foutue dehors et qui dit « Mais un président, c'est un chef de l'État français qui maîtrise l'arme nucléaire, qui explique à une gitane au fin fond de l'Albanie, tu peux revenir » et qui explique devant ça devant des millions, des dizaines de millions de gens. Qu'est-ce que l'affaire Leonarda, je veux une réaction vite fait, hein, on va pas s'étendre là-dessus. Mais... Rapidement, ce qui est symptomatique de la division de la gauche qu'on a vu par ailleurs aussi sur la question de la déchéance de nationalité dont on va reparler, c'est qu'Harlem Désir a sorti d'un tweet dans lequel il avait dit... Non mais attends, là je coupe tout de suite. Je parle de Leonarda, donc on est sur justement, Leonarda. Justement, là je parle de Leonarda. Harlem Désir avait taclé François Hollande sur Twitter en disant « Je vais essayer de convaincre François Hollande de ne pas faire seulement revenir Leonarda, mais aussi sa famille. » Puisque François Hollande avait dit « J'accueille Leonarda, mais elle seule, et non pas son père. » Et c'est fait. Pour montrer à quel point ces gens-là n'ont aucune cohésion, enfin dire... La dispersion était déjà amorcée depuis plusieurs années. D'ailleurs, il y avait eu le Coréen national là qui avait agité les étudiants, enfin les élèves là pour faire revenir Leonarda. Comment il s'appelle, putain? Comment Placé, il s'appelle là, Vincent Placé. Voilà, Placé. Il avait dit ça. Et ensuite, il s'était excusé. Il avait dit oui. Deux, trois ans après, il avait dit oui, c'est une connerie, etc. Ah bah oui, mais, quand il est rentré au gouvernement, il s'est excusé. Voilà. Il est absolument ignoble, celui-là. Alors, il y a plus, en plus, il dupe personne. Il croit qu'il est intelligent. Tu vois, il y a des mecs qui feintent bien. Tu vois, quand tu les entends parler, tu penses qu'ils sont sincères. Bon, tu sais qu'ils ne sont pas. Mais lui, il est vraiment nul, quoi. Ah non, mais lui, c'est un animal rampant. Mais attendez, c'est un lézard, c'est-à-dire que c'est un asiatique, c'est un animal à sang-froid. Voilà, c'est-à-dire que le mec n'a aucune émotion. Merci. Alors, j'enchaîne sur notre... Enfin, à moins que quelqu'un veuille nous dire le plus grand bien de Leonarda. Et... C'est quoi leur nom de famille? Putain, c'est un truc à coucher dehors, ça. C'est... Les Gibrani? Les... Dibrani, je crois, ouais. Non. Je crois d'ailleurs que lorsqu'il y avait eu l'allocution de François Hollande, donc à propos de Leonarda, enfin, c'était assez impressionnant, c'est-à-dire que c'était sur donc François Hollande sur les chaînes d'information type BFM, et puis dans la foulée, paf, Leonarda qui répond. Tu vois, c'était François Hollande et Leonarda qui discutent par Skype. Qui dialogue par BFM TV interposé. Oui, c'était hallucinant, ça. Et comme a rappelé Astérix aussi, le fait que Hollande il avait choisi donc d'accueillir Leonarda, mais sans son père et compagnie, qui étaient des sacrés odieux. donc en gros, on prend pas de décision, c'est pas je vous vire tous ou vous restez tous, c'est tu viens toi mais pas tes parents, tu vois. Pas de décision brute, voilà. La seule décision brute qu'il a prise, c'était la déchéance de nationalité pour les djihadistes, mais finalement après il a dit finalement non, quoi, parce que les mecs de gauche, ces immondes cloportes, se sont levés contre Mais c'est ridicule cette histoire de. Ah oui, non, c'est ridicule. Déjà le fait de proposer ça, qu'est-ce qu'on s'en fout que les djihadistes soient français ou pas français. On va en parler de ça. Mais pour en revenir à Leonarda, c'est hallucinant qu'un président de la République française, un chef de l'État, discute pratiquement en direct avec une Rome clandestine sous prétexte que la gauche a des spasmes parce qu'elle l'a expulsée. C'est juste hallucinant. C'est juste à dormir dehors, quoi. Incroyable. Et le mandat de Hollande a commencé comme ça, sur les chapeaux de roue en 2013. C'était l'année de la quenelle aussi. La quenelle, c'était aussi cette année-là. Mais on s'est pas rendu compte, mais en fait, ça allait de pire en pire. On s'en est pas rendu compte. Alors, autre sujet qui a concerné Hollande, c'est le chômage. Alors le chômage, alors on écoute un extrait audio de notre ami Hollande qui nous parle en 2013 face à Claire Chazal du chômage, dans lequel il nous explique en fait que ça va baisser. Ça va baisser, c'est imminent, ça va baisser. Voilà, on écoute. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Claire Chazal. D'abord, plaçons le cadre et la situation économique, si vous le voulez bien. Vous aviez dit, eh bien, il y a tout juste un an, que vous vous engagez à inverser la courbe du chômage d'ici la fin 2013. L'engagement va être difficile à tenir. On est loin du compte, Monsieur le Président. Non, on est tout près du but. Alors, essayons d'être le plus simple possible et le plus clair possible. Je ferai tout pour inverser la courbe du chômage. Mais nous avons déjà atteint une bonne part du chemin. Voilà, alors en fait, sous Hollande, est-ce que quelqu'un peut nous dire combien il y a eu de chômeurs en plus durant les 5 ans de Hollande là ? Personne n'a dit. Il y a eu 1 million de chômeurs en plus, et sauf cette dernière année où il y a eu 60 000 chômeurs de moins. Ouais, alors, donc 1 million moins 60 000. Voilà, sachant qu'il y a des emplois aidés, des trucs comme ça, des machines dans les administrations qui sont absolument pas productives, donc c'est gonflé, quoi. Hein. En emploi réel, ça fait que baisser depuis 5 ans. Il a cru, ouais, en fait, qu'il allait avoir un rebond suite à la crise, tu vois, de 2007. Hein. Il a cru qu'il allait avoir un rebond et que les choses se feraient d'elles-mêmes. Ben, non, mon coco, l'économie, ça marche pas comme ça. Le mec, c'est une tanche, hein, en économie. Ouais, ouais, c'est... Il a cru vraiment que c'est, voilà, le macroéconomique allait faire le jeu, tu vois. Alors, ça l'a fait un certain temps, c'est vrai. Ça a ralenti un petit peu la chose. Mais non, tu peux pas compter que sur ça, quoi. Bah non, et puis... Mais pourtant, j'ai cru, moi, pendant un moment, qu'avec des meilleurs ouvriers pakistanais, on allait remonter le... Et puis non, quoi. On bah oui, c'est bizarre, hein, ça marche pourtant, pas. Pourtant, il a fait HEC, pourtant, tu parlais de son niveau en économie. Et c'est par rapport à Valls, il a fait beaucoup... Enfin, des études bien plus brillantes. C'est... Bah ça sert à rien, vous avez vu comme quoi ça sert à rien, en fait. HEC, c'est école de... HEC, c'est école de commerce, hein. Ouais, non, mais HEC Sciences Po, c'est du commerce et puis de la science politique, c'est-à-dire de la science du discours, quoi, en gros. Ça te fait pas des économistes. Hein. Le mieux, c'est de mettre des mecs à créer des entreprises et à faire de l'argent. Ça, c'est un bon test, ça. Ouais, tu sais. Mais bon, en France, c'est pas très. Non, c'est mal vu, ça. C'est à chier. C'est capitaliste, c'est de la merde. Alors, excusez-moi, je vais pas m'attarder sur le bilan du chômage. Bon, 1 million de chômeurs en plus. Bon, bah, allez vous faire foutre, les chômeurs, hein, c'est votre faute. Et puis, passons sans transition à un truc qui est beaucoup plus ambitieux sous Hollande. C'est la taxe à 75% sur les riches. Putain, alors, les Français, chers Français, vous m'écoutez, ou si vous m'écoutez pas, c'est la même chose. Vous ne savez peut-être pas, mais si vous êtes connu depuis 5 ans dans le monde entier pour un truc nouveau, c'est pour la taxe à 75%. C'est-à-dire que quand on vient chez vous, on se fait piquer son pognon comme par des roms à la sortie du métro. C'est perçu comme ça. Alors, la taxe à 75%. Qui veut me parler de cette taxe à la con ? Ça a été partout. Les gens, il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'en Asie, dans les médias asiatiques, dans les médias américains, mais tout le monde en a parlé de ce truc. C'est-à-dire que tu vas en France, Hollande te fait les poches. Mais c'est surréaliste, quoi. Tu réfléchis deux minutes, tu dis non, ils ont pas osé. Ben si, ils ont osé. Donc ça, c'est la taxe sur le revenu. Après, en France, on est aussi connu pour l'ISF, quoi. L'ISF, alors là, t'as tous les communistes et les proto-communistes qui sont plus ou moins dans notre camp aussi, qui vont te dire abolir l'ISF, c'est filer des ronds aux riches. Eh ouais, mais connard, si t'as pas de capital dans ton pays, tu fais comment? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est l'ISF aussi, c'est terrible. C'est-à-dire, dès que t'as un seuil, on te coupe. Dès que t'as les cheveux qui poussent, on te coupe les cheveux. Voilà, c'est comme voilà, c'est ça. Ça existait avant François Hollande, par contre. Oui, ça existait. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est pour ça sûr, que c'est pas seulement François Hollande, ça fait des années, quoi. Il faut virer ça, quoi. L'impôt sur le revenu, dès que t'as des gens qui sont compétents, qui commencent à gagner de l'argent, et des gens qui amassent du patrimoine, tu leur coupes le patrimoine. Faut pas t'étonner que ton économie... La taxe sur l'héritage, elle est énorme aussi. Bah ça encore, c'est moins choquant, si tu veux, parce que ça... Moi, je trouve ça très choquant. Bah écoute, au niveau du point de vue un petit peu du dynamisme, pardon, de l'économie, c'est pas très... Bon, voilà, c'est ça fait pas de ouais, mal mais enfin, non plus. Tu vois, moi j'estime que tout ce qui a été taxé sur la, enfin tout ce qui a été taxé n'a pas à être retaxé parce que t'es mort, quoi. C'est une escroquerie, c'est un truc. Non, mais exactement, exactement. Après, si tu veux éviter ça, tu as des moyens de faire en investissant dans les entreprises, voilà, au lieu de garder ton pognon qui dort comme ça, qui sert à rien. Ouais. Donc voilà. Après, en tout cas, la taxe à 75%, ça a choqué. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y a Will Smith qui était passé sur France 2 au JT, il a été interviewé, on lui dit on demande, alors monsieur, hein, est-ce que payer des impôts et tout ça vous pose problème? Et le mec il dit bah non, c'est normal d'aider son pays, etc. Et le mec, on lui dit qu'est-ce que ça vous dirait de payer parce qu'en France le taux est de 75%. Le mec est là, quoi, 75%? Ouais, ouais, alors attends. Parce que la taxe, je crois qu'elle a disparu en 2015, je crois. Bah, ils l'ont viré. Ah oui, c'est aberrant. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens en France, ouais, typiquement de petits entrepreneurs, qui ont une taxe, le total des taxes va bien au-delà de 75%. Ça ne m'étonne pas. Ah oui, t'as fait avec ça, va largement au-dessus de 75%. Donc, oui, ça m'étonne pas. Le revenu social des indépendants, la TVA, la TIPP, les impôts locaux, les charges sociales, les charges patronales, tu vas bien au-delà de 80%. Et je crois que il y avait un taux marginal d'impôt sur le revenu aux États-Unis jusqu'à Nixon, qui était de 83%. Voilà, donc c'est Franklin Delano Roosevelt qui l'a imposé dans les années 30. Donc moi, si tu veux, ça ne me choque pas plus que ça, parce que l'impôt est quand même très mal réparti en France, et ce ne sont pas réellement les plus riches qui la payent le plus. Ce n'est pas vrai. C'est les catégories. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était machin, etc. Moi, ce qui me choque, tu vois, c'est que, enfin, ce qui me choque en général, c'est une taxe à 75%, ou même des artisans, etc. Enfin, moi, j'estime que, voilà, l'État, il a pas à venir prendre foutre ses doigts dans la machine autant que ça, tu vois, c'est odieux, c'est confiscatoire, quoi. C'est... Ah, oui. Mais même chez un salarié, c'est la même chose. J'estime que quelqu'un qui travaille doit user de son argent comme il l'entend. Alors, on s'entend bien qu'il faut, pour les infrastructures, etc., il faut un minimum d'impôts, etc., on est bien d'accord, mais il y a des trucs aberrants. C'est vraiment du vol, ouais, quoi. Par exemple, payer les chicots gratos pour les nègres arrivés de Lampedusa, la CMU, à Menton. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'ils ont l'aide médicale d'État, la CMU et compagnie. C'est-à-dire qu'ils se font refaire les chicots, carrément. C'est-à-dire, t'as pas besoin. Ouais. Tu manques un chicot, tu vis très bien, tu vois. Mais non, eux, ils se font refaire les chicots. Je sais bien, mais c'est mais nous, comme c'est j'ai nous pas. Qui, c'est nous qui payons, quoi. Normalement, les soins dentaires, alors s'ils ont des combines, c'est qu'ils sont. Parce que je sais qu'ils ont des combines que même nous, on connaît pas. Mais normalement, les soins dentaires, c'est très difficile à se faire rembourser. Donc, c'est peut-être d'autres soins, ou alors, c'est possible. Sur des abcès, des trucs urgents, non, de la chirurgie dentaire esthétique, se faire refaire les chicots, genre des implants et tout ça. Si ces enfoirés arrivent à se les faire rembourser, il faut vraiment qu'ils nous filent le tuyau, quoi. Bah déjà, ils ont mais de toute façon, ils ont tout un tas de tuyaux qu'on n'a pas. Ouais, enfin bon, il y avait aussi, parce qu'on parlait des entreprises, il y a un des autres soucis, c'est la paperasse. C'est toute la paperasserie. Et Hollande avait parlé d'un choc de simplification. Et je pense que c'était une idée qui était pas mal, qui correspondait à un vrai besoin. Mais il n'a pas du tout donné d'écho à ça. C'est dommage. Enfin, c'est dommage pour lui. Donc ça nous est un peu égal. Comment tu veux faire un choc de simplification quand, par exemple, quand il était en Corrèze, comme l'a dit Gandalf, il a augmenté de 50% le nombre de fonctionnaires. Voilà, c'est pas possible. Hein. Quand tu simplifies les démarches administratives, c'est pas pour faire des fonctionnaires. Donc bon. D'autres réjouissances dans ce mandat, par exemple en matière de politique étrangère, qu'est-ce que vous avez? Ben, ça a été la suite de ce qu'a fait Sarkozy et son gouvernement au niveau de la Syrie. Alors, mention spéciale à l'espèce d'horrible troll là, Fabius. Je crois d'ailleurs qu'il y avait certaines personnes qui voulaient le nominer au prix Nobel de la paix. Bon, C'est spécial. Après Barack Obama, ouais, celui qui a dit que il fallait tuer Bachar el-Assad, qu'il méritait pas d'être sur la terre, du moins, et que le groupe al-Nusra faisait du très bon travail sur le terrain. C'est bien. Oui, non, mais ça aurait été marrant d'avoir Fabius avec le sang contaminé derrière lui, hein, prix Nobel de la paix, toute sa politique. Enfin, le type était quand même plus dans les, il était plus royaliste que le roi au niveau de la politique, de la ligne politique des États-Unis. C'est-à-dire que même Obama, il disait putain, attends, avec la Syrie, on va se calmer. Voilà. Et Fabius, non, il voulait pas se calmer. Lui, il était déchaîné. Donc c'était François Hollande aussi derrière, on lui doit ça. Taubira. Oui, non, dernièrement, de menacer Vladimir Poutine, de l'assigner à la justice du tribunal international de La Haye. Attention, on y croyait. Ouais, mais les mecs sont fous. Mais alors, comment dire, après avoir passé en revue donc cette histoire de politique étrangère. De Leonarda, de chômage complètement avorté, de politique étrangère. Et la quenelle aussi, hein. C'était énorme la quenelle quand même. Et le ouais, président alors, de la attends, République. Attends. Alors donc d'avoir le comment dire le cette aussi cette fiscalité complètement délirante. Et le truc complètement aussi taré, ça en fait on l'a complètement oublié parce que on est préoccupé par le reste, c'est l'amante Julie Gayet et Travailleur. On a oublié ça complètement, mais en fait, Hollande avait sa basse-cour. C'est-à-dire qu'il avait son ex-femme comme ministre, il avait pendant un moment une poule qui était Travailleur, qu'il allait trombiner en scooter, et en plus, il avait Julie Gayet. C'est-à-dire que le type jonglait avec trois femmes. C'est-à-dire que l'ex-femme, la maîtresse et la maîtresse de la maîtresse. Et ça, c'était en 2014, ça a apparu dans le gala. C'est du jamais vu. Son entente avec les Qataris, quoi. Ça, la polygamie, ça lui parle. Je sais pas, mais Sarkozy, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait changé de femme. Il avait changé de femme. Je parle pas des amantes, etc. Mais alors, lui, c'est carrément. J'ai des relations en direct avec plein de nénettes, etc. Et ça se passe devant tout le monde. Et ça avait été quand même un très gros moment d'effondrement de l'autorité. Quoi. Puis ça balance quand même des images mentales puissantes. Quoi. C'est-à-dire que rien que s'imaginer François Hollande en train de toucher l'une ou l'autre, alors là... Mais non, mais il y a c'est même pas juste des images. Non, mais tu voyages, hein. Tu voyages. Hein. C'est pas juste des images mentales. Rappelle-toi, t'as François Hollande, il ressemble à un Lego. Il a son casque de... Prêt à monter sur le scooter, et là, il était beau. Ouais, il marche et tout, il est comme ça tout en noir, il a son casque sur la tête et tout, il vient de trombiner son actrice. Et tu dis, putain, c'est... Enfin, je sais pas, quoi, là, il y a un effondrement. Non, mais le mec, c'est même pas là. C'est exactement ça, c'est exactement un Lego. D'ailleurs, il s'emboîtait comme un Lego, et apparemment, avec ses petites supportrices. Mais je veux dire, le type perd ses moyens, je veux dire. Ok, imaginons, je veux dire, bon, d'accord, c'est pas le premier chef de l'État français, c'est pas le premier monarque, imaginons qu'il y a des maîtresses, mais enfin, qu'il a la décence de pas prêter le flanc aux clichés malencontreux, quoi, je veux dire, elle vient à l'Élysée, voilà, il a trombi dans une piole, on oublie tout, quoi, tu vois, personne ne le sait, et c'est tout. Non, le mec va en scooter, le mec a les codes nucléaires, quoi. Il va en scooter trombiner une nénette, hein, en scooter avec son putain de casque sur la tête. Etc. Peut se passer n'importe quoi. En 2014, c'est au moment où les Russes envahissent la Crimée, imaginez, quoi. Poutine, il dit, moi, je vais balancer des bombes nucléaires et tout. L'autre, il est là en train de trombiner la Gaïa. C'est incroyable, un truc pareil. Et c'est pas lui qui conduisait, hein. Je crois qu'il avait un policier qui attendait sur le scooter, il me semble. Hein, oui, obligé, ouais. Tu penses bien. On attend son prochain livre, d'ailleurs. Non mais c'est ça, je veux dire, quand vous mettez entre les mensonges, enfin les comment dire, tout ce qu'il avait promis et ça, qui était une escroquerie complète, et que tu vois que le mec, en fait, son obsession, c'est juste de baiser de l'actrice, ça craint, quoi, je veux dire, t'es chef de l'État, t'as des responsabilités énormes sur tes épaules, etc., et tu te rends compte que le mec, non, ding dong, salut Julie, c'est moi. Le mec, il a baisse toutes. Il les baisse toutes, Mitterrand, Frédéric Mitterrand. C'était sûrement pour lui un moyen de faire le malin, tu vois, un moyen de lui montrer, de lui dire, regarde, je suis président, mais pour moi, t'es encore plus importante que la France et tout ça. Tu sais, c'est de toute façon une merde pareille. Il a utilisé son poste pour pouvoir tringler 4-5 gonzesses. Il était temps qu'il en profite, hein, parce que Père Hollande, je peux vous garantir que maintenant, il a plus qu'à se la mettre sur l'oreille. Il la fumera en enfer. Hein. Mais ce mec-là porte un bilan qui est énorme. Hein. Je voulais en parler tout à l'heure parce qu'on l'oublie. C'était tout au départ comme Leonarda. Mais faut pas oublier que ce mec s'est ridiculisé aussi à faire la chasse à Dieudonné. Parce que avant de, il a envoyé son premier ministre, il a envoyé Manolo le Trémolo, mais avant ça, il s'en est mêlé lui aussi. C'est-à-dire qu'il a fait la chasse à un humoriste. Vous vous rendez compte? Il venait juste d'arriver au pouvoir. Et ça, je pense que les gauchistes, ça a pas dû passer, quoi. Parce que bon, les gauchistes, ils sont très très cons, ils sont très puérils, très enfantins, très féminisés. Mais bon, quand même là, ça va loin. Hein. Je pense que ça les a encore plus choqués que Leonarda et tout ça, quoi. McDav. Non, mais les gars, faut arrêter de faire les puritains. Et évidemment qu'un président de la République, ça nique à gogo. Enfin, toutes les femmes, c'est en théorie. C'est quand même vrai que le président de la République a beaucoup de pouvoir. De Gaulle, De Gaulle et Pompidou, à la limite, peut-être pas les deux, mais depuis Giscard, Mitterrand, Chirac, c'était des quotas. Hein. Ah bah ouais, justement, ouais. C'est bien, peut-être bien le problème, vous voyez. Non, mais c'est pas ça qu'on leur reproche, en fait. C'est d'y aller en moto et de risquer l'assassinat juste pour tringler. On sait que c'était tous des hommes à femmes, mais bon. Là, lui, c'est non, un je crois pas. Moi, je vais vous dire un truc. Je pense que vraiment, il y a une question de d'attitude, quoi. C'est-à-dire que si le bonhomme a besoin d'un tringler des nettes à la suite, c'est pas un homme d'État. C'est pas un homme d'État. Moi, je suis désolé. Moi, genre, les mecs, ils me disent, ouais, ils baissent. Je vais pas faire des. Je vais pas établir des règles définitives, vous voyez. Mais j'ai tendance à penser qu'un mec qui est chef de l'État, il est passionné par la vie de l'État, il est passionné par la vie de son pays, il est là-dessus, c'est ce qui l'obsède, c'est ce qu'il veut réaliser. Il a pas tellement de temps pour les femmes, vous voyez. Même s'il aime les femmes, vous voyez, il a pas de temps pour ça, vous voyez. La charge est tellement lourde que vous n'avez pas de temps à penser. Et visiblement, le mec, si. On a l'impression qu'en fait, ce qui était périphérique, c'était précisément la présidence. Et que le mec est beaucoup plus intéressé par ses relations mondaines, les nénettes, etc. Ce qui est impressionnant, quoi. Voilà, la présidence était un moyen, mais pas la fin. C'est pour lui un moyen de choper les gonzesses, un moyen d'attirer enfin l'attention, d'avoir enfin un petit peu d'autorité, un petit peu de pouvoir, ce qu'il n'a jamais eu naturellement, parce que c'est un guignol, un petit bureaucrate, un petit c'est une secrétaire à lunettes, ce mec, quoi. Comme le disait Alexis, il aurait jamais dû quitter ses dossiers. Et ce type, d'un seul coup, il a utilisé sa présidence pour faire tout ce qu'il n'a jamais pu faire auparavant, par sa simple personnalité, quoi. Et on pourrait parler d'autre chose aussi, on pourrait mettre son épargne personnelle, parce que la façon de gérer sa vie, c'est calamiteux. Il était en couple avec Ségolène Royal, il lui fait des gosses, pas d'union. Alors là, c'est le mariage pour tous, mais sauf pour lui. Et il n'a pas réussi à mettre un rond de côté, parce qu'au moment où il y a eu l'affaire Cahuzac, les patrimoines avaient été dévoilés, et c'était la transparence, etc. Et on voyait qu'il avait, non seulement il n'avait pas réussi à mettre un rond de côté, alors qu'il était à la Cour des comptes, député, etc., premier secrétaire du Parti Socialiste et compagnie, et qu'il était en couple avec Ségolène Royal, qui avait été ministre et compagnie. Et le type, donc pas un rond de côté, on voyait que d'ailleurs,